La big antenne. Oh, vous êtes toujours connecté, vous êtes sur le 107.0, vous êtes sur Radio Game Ozo, 107.0, c'est la station qu'il te faut. La big antenne, et vous êtes avec votre ami Big V, et c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur les ondes du 107.0, les ondes de Radio Game Ozo. Les ondes de Radio Game Ozo, le 107.0, c'est le son qu'il vous faut. Et c'est une nouvelle émission qui commence aujourd'hui sous vos oreilles. Et bien, mesdames et messieurs, c'est avec un plaisir non dissimulé que l'on retrouve donc tous les auditeurs et auditrices de Radio Game Ozo avec du beau linge pour cette première émission. On vous a gâté, mes lapins, on vous a gâté avec du beau linge. Donc, j'ai nommé notre ami Drex qui est là, qui nous fera l'insigne honneur de sa présence. Notre ami Drex, on l'entend. Notre ami Drex. Bonsoir. Il est là, voilà. Bonsoir. Un petit souci. Je crois que mon micro est un peu fort. Indépendant de notre volonté. Hop. On a notre ami Jérémy aussi qui est là présent ici aussi ce soir. Bonsoir. On l'entend aussi, il est là. Ouais, toujours. Il nous entend, il est là. Il est là, effectivement. Il faut être là. Et on a aussi, on fait de la paléontologie ce soir parce que on a aussi nos anciens qui sont là, nos tontons préférés qui sont là ce soir. Ça fait plaisir. On a notre tonton Mike qui est là, aka Smoka. Il nous entend. Bonsoir tout le monde. Dans la place. Accompagné de son acolyte aka Ted, Nico ni Ted, il est là aussi. Bonsoir. Il est là aussi, donc ça va bien se passer. On va commencer tranquillement. Donc c'est la Big Antenne, c'est votre nouvelle émission que vous retrouvez donc un mercredi par mois sur les ondes du 107.0. Le 107.0, ouais. C'est le son qu'il te faut, et ça toi-même tu le sais. C'est le son qu'il vous faut, une émission dédiée au hip-hop, dédiée aux projets associatifs locaux, une émission dédiée à la culture urbaine. Sous toutes ces formes, ils sont déjà en train de me foutre le bordel dans la cabine de l'autre côté. Ça, c'est la couleur. Tout va bien. Soucis techniques indépendants de notre volonté. Donc en tout cas, ça fait plaisir de vous avoir tout ce petit monde pour cette émission que l'on espère, ma foi, sous de meilleurs auspices. Et on espère que cette émission fera des petits et des petites des heureux et des heureuses effectivement. Donc on rappelle en tout cas toujours le principe. Vous êtes sur la Big Antenne, c'est votre radio libre. On rappelle le principe, vous pouvez toujours appeler au 03 29 64 40. Non, on vous dit des conneries. 03 29 62 40 40. Le 03 29 62 40 40. Tu appelles, tu tentes ta chance. Donc, si tu as besoin de passer un coup de fil, un coup de cœur, un coup de gueule éventuellement, tu as besoin d'interagir. Si toi aussi tu es Notre-Dame, si tu es Charlie, si tu es. Si tu as besoin d'amis, simplement. Si tu as besoin d'amis, si éventuellement tu veux tenter de gagner une petite surprise, un voyage tout frais payé à plombière éventuellement ou autre chose, n'hésite pas, ou ton poids en compil de MC Record par exemple, n'hésite pas à interagir. Donc un seul numéro, le 03 29 62 40 40, c'est le numéro qu'il te faut, c'est le 107.0. oui. Alors les gars, Teddy, est-ce qu'il a fini? Est-ce qu'on peut récupérer la clé magique, Teddy, donc toi seul à la possession? Alors parce que là, c'est du direct, donc c'est sans filet ce soir, on va y aller tranquillement. Donc avant que de résoudre les petits soucis techniques indépendants de notre volonté, on est là pour discuter un peu. Donc quand on parlait d'archéologie et de paléontologie tout à l'heure, on est avec nos tontons. Bon, quand je le prends comment ça, je sais pas déjà tout. Non, c'est un insigne honneur. Donc on a nos tontons qui sont là, qui nous ont fait l'insigne honneur de leur présence ce soir. Donc on va avoir l'occasion un peu de discuter de musique un peu. On est un peu là pour ça quand même, de discuter des mentales et puis d'apéritifs divers. Exactement. Mais à la rigueur, moi ce que je propose, c'est de commencer l'apéritif tranquillement, puisqu'on est là jusqu'à 23h. On va commencer par un petit peu de musique, puisque c'est un peu ce qui nous intéresse accessoirement, à moins que vous aviez envie de parler de sociologie ou autre pour le moment. Philosophie. On va commencer un peu dans la musique alors. Moi ce que je vous propose, c'est pour pas trop s'enflammer trop vite, pour calmer les ardeurs et les hypothétiques ardeurs et ardeuses hypothétiques, je vous propose de commencer avec un petit son de Virus. Ils connaissent les tontons Virus? Osiris, est-ce que vous, ça vous dit rien? Alors jeune, ça, vous allez voir. Jeune, ouais, t'es, vous êtes sûrement trop jeune, à mon avis, c'est pour ça. Mais bon, bah, notre Virus. Ami Drake s'y connaît. Virus, donc le fameux MC, il nous vient de, bah, de Paris, enfin, de Reims. On ne va pas dire de bêtises. Faut pas mettre deux sons d'affilée, sinon on va avoir un non, bah, sinon, ouais, bah, la dernière fois qu'on l'a passé, dans les émissions précédentes, on a eu 4 tentatives de suicide. Putain. La pharmacie du coin, elle a vu une augmentation de 47% sur la consommation de Xanax et de paroxétine. Ah, c'est véridique. Donc, non. Un seul son Virus avec notre ami le Toulousain d'Altarba à la prod, donc un gros son. La nuit se lève, on est dans l'univers de Virus très très glauque, très macabre. Virus qui nous avait gratifié d'un projet où il a entre guillemets exhumé des textes de Jehan Rictus, un auteur parisien du 19e début 20e siècle parisien qui parle vraiment l'argot parisien, le titi parisien. Vraiment ça sent la butte de Montmartre, ça sent les coups de la guillole et de Pinel. Aïe. Et donc Virus il avait fait un projet là-dessus, Virus qu'on a retrouvé aussi bah, dans A Social Club qu'on affectionne particulièrement aux côtés de Cazet et de aide-moi mon petit Drex s'il te plaît, dans A Social Club on a Cazet prodige et un quatrième compère mec, je suis pas calé du tout, t'es pas calé là-dessus. Mais en tout cas donc on va vous laisser pour commencer avec un petit morceau de Virus. La nuit se lève, on va annoncer la couleur, donc on n'est pas là pour spécialement s'enjailler plus que ça. Ouais, on mais va ça pas pète vous quand mettre même. Du son de footballeur ou on va pas twerker ce soir ou alors twerker dans l'instru la galerie. Mais l'instru on va, comme... voilà. On va vous laisser donc avec un petit morceau de Virus tranquillement pour commencer et puis on se retrouve tout de suite après. Ça vous va? La prod est d'Altarba. Attention Virus, la nuit se lève, c'est parti. Here we go, music. La nuit n'attrape jamais froid, ni aux yeux ni où que ce soit. Tu t'y fais, soit t'es en proie. Il fait qu'elle crie le brouhaha, il broie. Pour une fois que j'ai la gueule de l'emploi, pour le contrat on me dit tu repasseras. Je voulais pas faire de mal moi, 11h43, je me suis retrouvé au mauvais moment droit. La nuit, t'as l'impression que personne te voit. Sur ton visage on lit ton rapport à la loi. Et vu que les anges m'ont aimé, comme le feu aime le bois. T'étonnes pas que je me venge, mais qu'avant je lève le doigt. Je lui dois le sens du vent, à ne pas suivre, ça va durer un bout de tempérament. Comme je suis comme celui qui sort de tolérante, même pas chez lui, estimant que la nuit est bien plus tolérante. Au menu larcin, du sang sur un des sessions, jusqu'à l'obsession de faire tout ça pour rien. Tes peurs deviennent loquaces, mais tu les gardes pour toi et perds l'occasion de faire des dédicaces. J'écris des frasques que personne calcule, vu qu'à ses coups de cocasque, la nuit le ridicule devient cocasse. Toi, tu sens t'es pas de ma bande, je clochard seul, je dis wesh à des chats, je te jure qu'ils me regardent. Je confonds la faim et une envie de fumer sous un lampadaire qui a tout l'air d'une clope allumée. J'y mettrais bien des coups de tibia. Qu'est-ce qu'il y a dans le noir complet? Je garde mes distances à vue de nez. Développe les clichés d'une existence vulnérable. Quand les plus faibles récitent l'alphabet au plus fiable. 6h du mat, les trois quarts sont affalés. Tandis que dans mon placard, des macabres m'accablés. Pour ce qui est de la clarté, je suis mal câblé. La dernière fois que j'ai essayé d'allumer, parce qu'on y voyait rien, j'ai sonné chez un voisin. Déjà que je réponds bonjour à leur bonsoir, qu'ils ont déjà vu les stars m'embarquer dans leurs histoires. Je te jure, c'est eux les mauvaises fréquentations. Même si je t'avoue qu'au départ, un contrôle de leur part fut une marque d'attention. La nuit on se regarde chelou comme un lendemain d'élection. T'as vu l'autre qui a fait demi-tour pour avoir une si belle peau. Faut dormir le soir ou au moins voir le jour. Et je traîne le teint blême pro. Si je serre une main, je pourrais pas faire croire que juste avant j'étais au chaud. La nuit tu croises des supporters de Sochaux. Je leur en veux pas parce qu'ils me proposent de sortir, mais bien parce qu'ils me forcent à mentir. Et je vais te dire ce que j'aime dans la nuit, c'est qu'on me demande moins ce que je fais dans la vie. La nuit c'est personnel, petit je devais pas faire les miennes. Je les fais toujours pas et v'là ce putain de camion de poubelle. Culé, j'ai un moustique dans la tête, il se croit chez lui. Il demande même plus pour aller aux toilettes. J'ai merdu, et va falloir que je me remette à tchatcher dans la rue. Vu que j'ai plus de but, j'ai plus. Ce n'est qu'une partie de l'iceberg slim. Si la brigade des stupes avait moins de taf, ça en rajouterait à la crime. Je rends des visites qui m'assassinent, zieute les noms et calcule l'âge des décès sur les tombes voisines. La nuit faut bien s'occuper. Avec la gueule que j'ai, je tombe que sur des hôtels complets. Arrêter la drogue sera compliqué. Elle laisse des traces et les gens sobres ont moins de sobriquet. Qu'on retienne le triste ou le joyeux luron. Doute bien que nos addictions nous tueront. Le juron sur les lèvres, tu voulais des raisons, les v'là. Avec ou sans toi, la nuit se lèvera. Avec ou sans toi, la nuit se lèvera. Avec ou sans toi, la nuit se lèvera. Waouh. Ok. Donc on est toujours là, comme l'a dit notre ami Virus. Avec ou sans toi, la nuit se lèvera. Vous êtes sur la Big Antenne. On est mercredi soir et on est là pour casser les nuques tous ensemble. Alors les tonzons, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez été un petit peu attentif au lieu de discuter encore comme des mauvais élèves ou Franchement, on n'a pas écouté. C'est bien ce qui me semblait. Voilà, ça fait du bruit, c'est sympa. On espère en tout cas que les auditeurs, vous avez kiffé un peu le son. Parce que notre ami Virus, on avait déjà eu l'occasion d'en passer pour ceux qui se rappellent de surécoute quand on était déjà venu souiller vos bonnes ondes il y a quelques temps de cela. Mais en tout cas, c'est un rappeur, un MC qu'on affectionne particulièrement dans l'émission. Un mec qui a une puissance lexicale qui transmet une noirceur assez contagieuse, on va dire. Il nous a gratifié de quelques titres particulièrement intéressants quand il parle de fomenter un attentat un jour de 14 juillet, je crois, ou autre. Ses textes sur la prison sont à son prêt assez prenants aussi. Parfois, il parle d'égorger des chats aussi. D'égorger des chats, par exemple. Enfin, voilà, ça reste un artiste particulièrement truculent et qu'on aura l'occasion, je pense, de découvrir plus en détail dans les prochaines émissions, je pense. Quand on fera une thématique uniquement sur le suicide, par exemple, ce sera super sympa, vous verrez. N'hésitez pas, on aura du cassoulet en boîte. Des connaissances du genre, si tu veux, c'est pas ce qui manque, leur album avec des cordes de pendu et tout. C'est pas ce qui manque. Rasoir et tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Petite question, puisque là on a des paroliers qui écrivent un peu là sous la main. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que question là, tiens, ça pourrait être une question à poser au bac philo, ça. Est-ce que le rappeur, est-ce que le MC se doit absolument de se forcer à être positif? Est-ce que vous n'avez pas une forme d'autocensure parfois, par exemple, qui vous force à être positif, en tout point positif? Non. Est-ce que c'est pas trop facile de toujours être négatif quand on écrit, quand on fait du rap? Est-ce que la négativité, tout le temps, c'est le message qu'on cherche à transmettre? Mike, qu'est-ce que ton rapport à la négativité dans les, je sais pas si je suis assez clair, mais ton rapport à la négativité, c'est toute la vie de mon rap, ça. Négativité. Je crois qu'on est tous un peu des écorchés, tu vois, et on a besoin justement de cracher cette noirceur qu'on a en nous, et après on le fait en forme de musique. Écoute, ça sert à ça. Et justement, dans la vie, du coup, on est positif, on est bien parce que on a évacué le truc, je pense, tu vois. Ouais, sinon on appelle ça c'est pour la plupart des rappeurs, je pense. On appelle ça du logobi, quoi, après, ou de la kusumba, quoi. Ouais, c'est ce que c'est. Ouais, je comprends ton. Mais après, tu n'es pas obligé d'être négatif. Non, il y a du rap positif, il y a du rap qui parle d'amour, il y a du rap qui parle juste de souris. Ça m'arrive aussi d'en faire. Justement, par exemple, j'ai un fréquençable, mais à côté, je suis aussi dans Qu'est-ce qui funk. Donc, complètement l'opposé. Avec un fréquençable, je peux être noir, je peux être connard, je peux être, tu vois, raconter. On te connaît plus sous ce sujet, sous ce sujet. Voilà. Mais à côté, je peux être léger, je peux être funky, tu vois. Super, voilà. Trip, d'ailleurs. On n'est pas que A ou B, quoi. Voilà, tu vois, je veux dire. Je pense que non, on n'est pas obligé d'être négatif pour faire durable de toute manière, ouais. C'est un beau message. On rappelle aux auditeurs, effectivement, là, que, parce que c'est bien que tu t'auto-présentes, effectivement, nos deux invités qui sont membres du groupe Infréquençable, pour notre ami Nick United et Smoka et Mike, et donc quand on parlait de dinosaures, qui ont été membres de Smoka, qui ont été membres de la Décalcrew, ouais. Effectivement, donc voilà. Il y a eu avant Décalcrew. Bientôt, il aura des subventions pour aller faire des fouilles dans leur discographie. On a commencé en 94-95, effectivement. Voilà, quoi. Ouais, voilà, donc, et comme quoi, la transmission, c'est ça, nous on est sur la transmission, l'intergénérationnalité et tout. Ça rapporte des subventions, ça, l'intergénérationnalité. Crois-moi bien. C'est dans les cas. Merci de penser à tes anciens. Voilà, c'est important, on honore la mémoire des anciens. C'est sympa, gros. Merci d'avoir. Mais donc, vous êtes dans un frère. infréquençable et donc dans ton groupe, dans ton projet parallèle, qu'est-ce qu'ils font que là où on est plus dans un prisme infréquençable, donc en quelques mots, vous définiriez comment musicalement en quelques mots? Bah, fusion, c'est voilà. La fusion comme Dragon Ball Z, ouais. Voilà. C'est une chimère à sept têtes. Là, il y a de la poésie à ma gauche. Attention, une chimère à sept têtes. Après, je l'ai piqué de mon collègue. Mais, c'est une bonne guerre alors. Mais, c'est la même entité, donc il n'y a pas de souci. Mais après, oui, c'est un groupe avec divers caractères et divers. Tous issus de divers courants musicaux, vu qu'on parle de musique, tous issus de divers courants musicaux. Il y a ceux qui écoutent du punk, ceux qui écoutent du metal, ceux qui écoutent des trucs bizarres, je sais même pas c'est quoi. Écoutent de la merde, il y en a aussi, tu peux le dire. Ouais, aussi, j'en fais partie de ceux-là, t'inquiète. Bienvenue au club alors. J'en ai kiffé du rap de merde, t'inquiète, pouf. C'est peut-être ce qui nous rassemble aujourd'hui, en tout cas. On l'a tous se passé. C'est peut-être ce qui nous rassemble. Eh le vieux, tu te calmes. Mais donc, infréquençable, quand tu parles de fusion, tu pourrais. T'aurais des groupes à nous citer Le premier qui me vient en tête comme ça, Rage Against the Machine, tu vois. C'est le premier qui me vient en tête tout de suite. Quand c'est sorti, ça, c'est le premier truc. Je vais en faire. Rage Against the Machine, bien sûr. C'est en français, quoi. L'Ophophora. Voilà. Dès qu'au moment, ça fait du métal et avec un côté phrasé hip-hop, voilà, tu vois, ça m'a parlé, ça me parlait directement. Oui, on est d'accord. C'est très, très, très hip-hop. Ça se marie très bien, toi, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire, puis qu'on peut faire maintenant, grâce à la maturité, puis les gens qu'on rencontre, voilà, tout simplement. C'est comme un rêve de gosse, toi. Là, en fait, c'est comme un rêve de gosse, si tu veux. Des belles rencontres avant tout, ouais, c'est ça aussi. Parce que vous connaissez depuis quelques années, apparemment. Depuis la maternelle. Voilà. Oui, ça fait très longtemps. Au bout d'un moment, on est forcément sur la même longueur d'onde, artistiquement parlant, peut-être. On a plus le choix. On est tellement liés qu'on a plus le choix. On s'accepte. C'est comme une fois que tu t'es marié, de toute façon. C'est un connard, on s'accepte pas, mais bon, on s'accepte parce qu'on a du fil. Tu fais de la musique. On n'arrive pas à se séparer. Il faut bien vivre. Même si ça rapporte rien, mais voilà. Non, mais c'est normal, c'est normal. C'est comme moi, Bivi, je peux pas te blairer, mais en fait. On fait ça que par intérêt. Et c'est vraiment le propos de l'émission, d'ailleurs. Et c'est bien que tu abordes le sujet. C'est le propos de l'émission. Voilà, on le vivra ensemble. Non, mais donc. Vous concoctez dans vos petits laboratoires un rock rap fusion donc avec des influences bien métal, bien punk, il y a aussi des nuances de jazz, il y a un peu de tout en fait dans le final, donc, du raga, il y a tout ce qu'il faut, quelques gouttes de chaque fiole quoi. J'ai acheté au Black une compile, c'est un mec qui m'a vendu ça devant la gare, je l'avais quand même pas, tu dis pas que la trouve à l'abri. Parce que là j'ai trouvé un t-shirt à l'abri, un de mes t-shirts et puis un de mes CD à l'abri. Moi j'en ai acheté 500 grammes. J'en ai acheté 500 grammes de ça. Donc là j'ai le petit EP donc l'infréquençable. Moi je propose qu'on se mette un petit morceau histoire d'être sympa. De se mettre en joue. On a 5 titres là sur l'album là. Moi je sais que j'aime bien le rock mitaine véritablement. C'est vrai que ça c'est un peu le tube. C'est dans celui-là où vous faites vous parlez du rap local. Non, c'est pas sur le morceau là. Où vous dédicacez à tous les bleds du coin. Il y a eu un croisement. En fait, le rock mitaine, c'est né d'un album solo que j'avais en projet hip hop. Ils font chier ces artistes. Infréquençable n'existait pas encore. Et juste après, on a utilisé des morceaux de ce projet pour faire pouvoir commencer à faire cette fusion en fait, simplement. Et donc il y a un croisement, si tu veux, entre le rock mitaine et puis infréquençable. Il y a un croisement qui fait que maintenant on en est venu là. D'accord. Infréquençable, c'est ce qui découle. Et donc le morceau que tu parles, c'est Old Bushfucker. Et c'est dans l'album solo que j'ai. Ça c'est sur l'album. Mais qui pourrait exister avec Infréquençable bien plus tard. D'accord, on est d'accord. Et à la rigueur, on peut commencer sur Y'a pas de thème, sinon moi je sais que c'est le. Comme vous voulez, de toute façon. Peu importe. De toute façon, vu le prix qu'on paye, Donc non, en tout cas, c'est le petit EP qui fait plaisir, que vous pouvez trouver. On parlera de la pub après, mais on va vous laisser écouter ça. C'est le premier titre. Ma chère Lia, elle va balancer ça, le DJ. Attention, les ballons, on vous laisse donc avec Infréquençable. Tranquillement, ça va bien se passer. On est là pour profiter. Les gars, j'ai un sample. Farid, tu nous ferais quoi là-dessus? Oh putain, t'en bouge pas, j'ai un truc, ça va tout déchirer, ça va niquer. Ça sonne. Eh papa, tu nous ferais quoi là-dessus, toi? Alors attends, tu veux quoi? Des gros mon pas là. Eh hey, fou, tu ferais quoi sur ce sort? Attends, je vais te dire, regarde, un truc comme ça? Ah, c'est pas mal, moi j'aime bien. Eh hey, les autres, merde, vous faites quoi là? Je garde pas nage, regrette ma palmarès, pas d'échec, très fin de palace, j'suis heureux à sec. Y'a plus de bonheur autour de moi qu'il n'en faut pour un seul homme. Un sourire suffit à égayer mes 5 prochaines minutes. Ensemble, nous voulons le capitalisme comme une sale pute. Le temps, c'est de l'argent, aucune richesse ne vaut un bon somme. Bon sens, pas question que j'y me mélanger au papier qui choppise dans j'décline. Tu le clignes, t'es fou, t'as branlette. T'en prends le bras, une de plus qu'il me faut pour juste rester honnête. Laisse-moi d'abord plus réactiver, bien grosse putain d'industrie. J'suis pas ta marionnette, tiens-moi pour la consommation, j'tournerai pas la baïonnette. Le genre de phrase que le ranger rare ne comprendra pas sûrement trop équité. J'emmerde tout le crétin, j'm'en gratte le prépuce. J'fais pas une astuce, astique-moi la bien. Vulgaire. Quoi, vulgaire? Franchement, c'est vulgaire, ça te passe. Et t'as chaud, tu vois que t'as quoi? Y'a pas de thème, y'a pas de thème, y'a pas de thème, y'a pas de thème. Y'a pas de thème, y'a pas de thème, y'a pas de thème. Y'a pas de thème que t'aimes ou t'aimes pas. Y'a pas de thème, y'a pas de thème, non. Y'a pas de thème, y'a pas de thème. Y'a pas de thème, y'a pas de thème, y'a pas de thème. Y'a pas de thème, y'a pas de thème, y'a pas de thème. Y'a pas de thème que t'aimes ou t'aimes pas. Y'a pas de thème, y'a pas de thème, non. Y'a pas de thème. C'est ça leur phrase. Ah ouais, c'est pas sérieux. Ça te connaît, ça c'est efficace. La musique s'est démocratisée, à tel point que même sans talent tu peux traumatiser. Trop d'esprit aseptisé, prêt, t'as accepté n'importe quelle merde même sans avoir teasé. Grâce à Facebook j'ai des amis à mépriser, mais c'est tout deux en même avoir sympathisé. C'est le mur des lamentations pour les bronzés, j'dis ça avec un grand, juste pour m'amuser. J't'ai déjà dit, la violence est banalisée, les peuples qui rêvent à ta n'a plus lieu d'être dramatisé. Nos images passent avant tout dans notre crainte de baiser, compagnie de leur programme de sous-culture télévisée. L'état nous dit d'économiser, paraît-il que c'est la crise. J'ai comme la grande impression qu'elle va encore modéliser. Ils veulent nous viser, mais avec eux, trompés, ça est vivre, hey, pas désamantisé. Oh oh oh, là c'était bon, mon monsieur, les cotons. Vous êtes toujours avec nous sur le 107.0, vous êtes sur le canal qu'il te faut, 107.0 Radio Guilmozo, c'est la fréquence qu'il te faut. Et on vous vient de vous gratifier les oreilles et la nuque d'un petit son de nos amis infréquençables avec le morceau Y a pas de thème, donc un morceau qu'on espère vous avez apprécié et que donc nos amis ont l'occasion de défendre en live, donc à l'occasion de plusieurs scènes. On va s'intéresser un peu plus donc à notre formation. Mike, désolé, t'es en face de moi, donc c'est toi qui t'y colle. Apparemment, Teddy, l'occupé colorié ou je sais pas ce qu'il se prend à côté. Il est malin, il sait se placer. Il sait se placer. On va parler un peu mécanique, c'est le sujet qui nous intéresse. Yes. Donc, toi, niveau carbu de 14, alors, toi, t'en es où alors du coup Non, donc, on va parler musique. Donc, c'est un peu une émission qui est plus ou moins consacrée au hip-hop, on va dire, dans les grandes lignes, hein, pour la faire simple, hein, pour la demande de subvention, c'est ouais. Ce qu'on a dit. Comment vous en êtes venu au mouvement hip-hop? Comment vous avez découvert ce mouvement? C'est quoi les groupes qui vous ont influencé, les premières vibrations, on va dire? Les premières vibes, non, même pas, ça n'a pas commencé comme ça. J'ai commencé par le raga, en fait, par le reggae, le raga déjà. Donc c'était Tonton David à l'époque, Tonton David. Tonton David, ouais, ouais. Et je suis venu qu'après à NTM, tout ça, j'appuie sur la gâchette, tout ça. Enfin, authentique, l'album, authentique, ouais. Mais c'était, moi, je suis venu dans l'hip-hop par engrainage. En fait, moi j'écoutais du Jean-Michel Jarre à l'époque, j'écoutais de la méthode, Madonna, ma petite soupe et tout. Et après, comme t'as vu, t'as dans un quartier, et ben, le mouvement hip-hop commençait seulement à se propager, vraiment, toi. Et du coup, on commençait à en écouter dans notre contrée à nous, surtout à côté de moi, quoi. Puis c'était le truc. T'écoutes pas ça, c'est ben gros, t'es un bouffon quoi. C'est un peu ça, toi, je veux dire. Perçu comme un bouffon aussi, si t'écoutais ça, c'était contradictoire aussi, quelque part à l'époque. Ah oui, après, il y avait l'autre côté, les rappeurs des Vosges, on en a bouffé de ça aussi, les rappeurs des Mans, les rappeurs des Vosges, on en a bouffé aussi, c'est clair. Parce que quand on est un peu les premiers, entre guillemets, dans le coin à faire du rap, ici, vous prenez, vous croyez à Paris, vous croyez, toi, c'était tout de suite dénigré, tout de suite, tu vois. Bon. Mais c'est pas grave, ça nous a pas empêché de continuer, on faisait comme notre tambouille, tu vois, on s'en foutait, en fait, on kiffait ça. Sinon, NTM authentique, Assassin. Moi, c'est Assassin qui m'a donné envie de rapper, Assassin, en fait. Moi, c'est Assassin qui m'a donné envie de rapper. Avec le pouce. Olivier Zitoun, le premier Assassin, c'était. Notre moment sur ta liste. Je crois que t'as raison. C'est ça qui m'a donné un coup de fouet, moi, en fait, vraiment, j'ai kiffé ce côté, rock, dans Assassin, justement, il y a ce côté rock, cette énergie, il va chanter ça, et c'est ce qui m'a parlé en premier, c'est pas NTM qui m'a parlé en premier, ni IAM, ça, c'est vraiment Assassin qui m'a parlé en premier, et après, de fil en aiguille, comme tout le monde, tu vois, t'apprécies telle chose, après, tu deviens de plus en plus ouvert à cet univers, et puis dans le coin on est les pionniers, voilà. Et puis voilà, et puis c'est tout, puis quoi. Tout simplement, et c'est comme ça que ça se passe. Et toi, Tel, alors, t'es... Moi, mes influences, on va dire que, oui, ça rejoint Mike un peu sur, par rapport à Assassin, par rapport à toutes ces choses. Après, il y a beaucoup de beatmakers, moi, qui fait de l'instrumental, comme DJ Premier, ou à l'époque, DJ Révolution, des anciens beatmakers qui m'ont vraiment impressionné et qui m'ont donné envie de faire de la musique. Et je suis très fan aussi de la musique anglaise par rapport au son révolutionnaire un peu diversifié. Quand tu parles de musique anglaise plus moi je suis assez éclectique dans ma recherche, on va dire, dans ma musique. Je vise large et non, mais en fait, tes premiers amours. Mes premiers amours. La question, c'est tes premiers amours. Vraiment, mes premiers amours. Ça tergiverse. Assassin, ça reste. Assassin aussi, ouais, quand même. C'est ouais. Vraiment quelqu'un qui m'a, au niveau de l'écriture, qui nous a donné une petite sagesse. Mais après, il n'avait pas raison sur tout. Mais je trouve qu'il avait déjà un point de vue et un regard sur la vie qui était intéressant. Alors c'est intéressant là aussi ce que t'abordes, effectivement. Là tu parles de vision de vie. Est-ce que pour vous le hip-hop c'est un état d'esprit aussi? Est-ce que c'est un mode de vie, a way of life, quoi, comme dirait un état d'esprit? Oui, il y a un état d'esprit de toute manière, mais il y a toujours une récupération à côté. C'est ce que je voulais de toute manière, donc mais il y a toujours cet esprit, il y a quand même cet esprit hip-hop, donc on va dire un peu plus sociaux. Mais bon, le rap, ça a été récupéré, c'est beaucoup devenu capitaliste aussi, donc voilà. Il y a beaucoup de gens de création, clair. Quoi, et je trouve que c'est un mouvement musical, et je pense que... Bah, comme tout mouvement, comme le rock, je pense à l'époque, enfin, tout mouvement, chaque fois, comme le punk et tout, c'est... Oui, oui, c'est récupéré. Mais c'est un mouvement qui reste. Mais une bonne effluve. On a toujours dit que le rap ne durerait pas de toute manière. Ça... C'est une continuité logique par rapport au punk, au rock. Ouais. On reste sur quelque chose de logique, culturellement parlant comme musicalement parlant. Tout à fait. Ouais. Voilà, puis qu'il y a un business alternatif à ça, c'est normal aussi. Ça fait partie de la suite logique. Ah là, il y a un mot qui a été utilisé. Là, c'est le mot business, effectivement. Le rap, est-ce que c'est un milieu où il y a plus de business peut-être que dans. dans d'autres milieux musicaux non, peut-être autant, toi qui as l'occasion autant, de fréquenter plus d'autres c'est scènes juste courant, c'est ah, juste si, un peu quand même bon, après, bah, autant, maintenant pas. En ce moment il y a des bah, y a période, plus de mecs qui cherchent à percer alors qu'ils ont pas de talent dans le rap pour les thunes, plus que dans le rock, enfin dans le rock il y a quand même une démarche de on va jouer ouais mais c'est la période on va délirer entre potes que dans le rap il y a des mecs qui sont solo, ils se disent ah mais putain pourquoi je ferais pas des thunes avec ça, enfin alors qu'il y a deux pélos qui leur disent que ce qu'il fait c'est bien. Maintenant la musique elle s'est beaucoup plus démocratisée aussi. Ouais. C'est beaucoup plus facile de faire de la musique dans son salon qu'à l'époque. Ouais, moi, à l'époque, quand j'ai commencé, j'étais avec mon ghetto blaster pour faire mon rap. Hein. Cassette sur cassette, pour faire les bacs et tout. J'étais en train de chercher. Ouais. Tag, et je passais un après-midi entier à faire ça. Quoi, voilà. Maintenant, oui, ça s'est beaucoup plus démocratisé, donc ça paraît plus simple d'en faire. Puis ça paraît beaucoup moins. C'est clair que ça paraît. Oui, il paraît. Ça paraît. Tu peux faire de la merde facilement, mais par contre, bah. Faire des bons sons, ça devient direct plus compliqué. Après, c'est là que tu vois que la musique, c'est pas qu'une histoire de talent aussi. C'est une histoire de réseau, de business, c'est une histoire justement de savoir se placer ses pions. Et beaucoup de travail aussi. Il n'y a pas de don de base sans travail. Ouais. Ah oui, mais tu vois que ça peut marcher. Ouais. Tous travailler pour avoir un business. Après, le côté talent, c'est clair que ce n'est pas les rappeurs que j'ai écoutés. Tu vois, simplement, toi. C'est pas vraiment pas j'ai écouté plus les rappeurs vraiment comme la technique et comme du flow quelque chose, toi tu sens qu'il y a une authenticité parce que bon, après pareil c'est le problème c'est que dans tout le rap business tout est pareil, toi oui, je veux dire tout est aseptisé, on a l'impression que c'est... ils font tous pareil, ils veulent tous faire la même chose, toi on est d'accord, alors qu'à l'époque une certaine uniformisation peut-être, on écoutait du rap à l'époque puis, chaque crew chaque truc avait son style, toi je veux dire c'était génial ça, dans le sens où vraiment chacun avait sa technique comme un art martial quoi, tu vois, chacun avait sa technique les deux balles de neige, expression directe, ça c'était des groupes Assassin Intem, il y avait déjà deux trucs différents, deux Ariam, un truc différent, chercher une technique différente, il y avait vraiment une, c'était cool, c'était vraiment c'est ce que nous on retrouve dommage que on est nostalgique de ça, on va dire. Oui, ouais, c'est stérilisé maintenant. Cette musique est stérilisée. Comme le lait. Elle est formatée. Elle est formatée. À haute température, ma gueule. On pourrait dire que le. Arrêtez de boire du lait. C'est un produit de vente. Ouais, un produit de vente. De la, musique, que la démocratisation du rap a engendre aussi quelque part son uniformisation. Tout à fait, en quelque sorte, dans le sens où on cherche à avoir un produit aseptisé qui puisse être standardisé. Bah, qui standardisé, puisse oui, radio, tout à fait. Grand public, simplement. Grand public. Mais je pense que le grand public, il est pas si bête que ça. Moi, je pense qu'il est plus ouvert que ça. Et plus ouvert que ouais, exactement. On est un peu trop aussi. Bloqué par des majors qui imposent des codes, qui imposent des codes. Et qui ne laissent pas les indépendants, justement. Mais ça, c'est pas nouveau. Oui, ils prennent beaucoup de place. Donc vous parlez. Ouais, mais que ce soit dans tout, pas forcément que le rap. Le rock, voilà, les grands labels qui veulent justement prendre l'emprise sur le style, qui veulent prendre. C'est du business. Il y a le côté commé, le côté non commé. Ça dépend ce que les gens veulent faire par passion, par fric ou par. Voilà, donc soit tu fais comme la Scred, jamais de la tendance, tu vas bouger l'action, mais tu restes indépendant. Tu débrouilles indépendamment, quoi, c'est tout. Ouais, voilà, c'est ça, tu fais un label. Tu fais un label par ta proche. Tu manges pas. Tu t'attends l'usine à côté, quoi. Tu t'endettes. Tu fais des notes au PC. Moi, je fais du rap qui m'endette, tu vois. Tu kiffes au moins, c'est cool. Tu vois. Pour nos jeunes auditeurs. Ça coûte cher de kiffer. Ouais, ça coûte cher les notes. Ouais, pour nos jeunes auditeurs, alors qui vous écoutent, s'ils veulent pas faire comme les tontons, comment faut faire pour faire du rap qui marche, qui cartonne, qui cartonnerait en 2019. Faut beaucoup de culot. Faire du rap qui. Et de pour faire un rap qui cartonne. Et de l'autotune. Beaucoup d'autotune. L'autotune, ouais, on est d'accord. Ouais, on aime bien l'autotune. Non, être sûr d'avoir une authenticité et d'avoir une écriture déjà à la base, et après la technique ça se travaille. Et du culot, la technique ça se travaille. Il faut avoir de l'ego. Faut pas te dire ça pour que tu fais ça pour gagner des ronds ou parce que t'as envie de percer. Tu fais ça machinalement parce que ça fait plaisir. Ça te fait plaisir, c'est une passion, comme tout. En fait, ça vient comme ça, tu vois. C'est net. Moi je te dis, je passais des journées entières. Quand j'étais plus toi, enregistrer, à faire des sons, mais sans but précis, quoi, en fait. Ouais, mais tu kiffes ça, c'est principal. Sans but précis, quoi. Sans but précis, c'est cool. Hein. Ouais, tu kiffes dans ta chambre. Puis d'un coup, t'as un pote qui kiffe, tu vois. T'as un pote qui kiffe, après d'un coup, t'as deux potes qui kiffent. Après d'un coup, on fait un groupe, c'est comme ça que ça marche. Mais c'est sans calcul, en fait. En fait, tu veux faire un truc bien, fais-le sans calcul. Ouais, c'est net. Mais ça fédère, c'est ça qui est bien dans ce genre de créativité musicale, c'est que ça fédère des gens et ça crée. Des rencontres fort intéressantes et la musique elle est riche pour ça, de toute façon, que ça soit reggae, tous les styles, de toute façon on se réunit tous comme musiciens ou gens qui veulent faire de la musique, Mais je trouve que oui, c'est la musique en général, elle est fédératrice. Ouais, autour d'une même passion. Fédératrice. Ouais, ouais, complètement. Voilà, c'est complètement. Ça le plus important dans le truc, c'est que. C'est une effluve. Voilà, c'est un partage. Ouais, ouais. On cherche pas à faire de pacte avec le diable ou je sais pas quoi. On fait juste du son, puis basta, puis on kiffe. Nous, on ensemble. Est dans le partage. Voilà, basta. On est beaucoup dans le partage. On travaille même avec Aïssat sur des projets même plus humanitaires. Qui nous tiennent à cœur. Et je trouve qu'il y a plein de sens dans la musique, il y a plein de richesses, il y a plein de rencontres. Et ça, c'est le plus important, je trouve. La musique est fédératrice, la musique adoucit les mœurs, paraîtrait-il aussi. Tout à fait. Elle peut les booster aussi. De belles valeurs. Plein de sentiments. La musique, c'est fait pour se détendre. Et justement, là, on a assez blablaté. Je pense en parlant de musique, mets-moi un petit son. C'est bien d'en parler, mais c'est encore mieux d'en écouter. C'est l'usine. On va se mettre un petit peu d'usine. Allez, on va charbonner. On va vous mettre un doublé. L'usine, nous, c'est un collectif. Nous, on aime bien l'esprit collectif aussi. On sait ce que c'est d'associer les forces comme les Power Rangers. Donc là, un petit son de l'usine, un collectif qui nous vient de Montreuil. Montreuil, c'est un peu la Californie du rap français. C'est là que tout se passe. Plein de MC qui nous viennent de Montreuil, Swift Gad, l'usine avec Tony Toxic, avec Asif et Peteg. Il a dit trop de blabla à la base. Allez, mets-nous du hip-hop, continue. Un morceau de l'usine, sur l'album Made in Z avec Leslie, et on va en continuer juste après avec un son de Senza qui vient aussi de l'usine avec le morceau Banlieue Est du nouvel album de Sonia de Senza. Donc vous allez voir, c'est vraiment la Californie dans ton salon. Attention mon gars, trop ça lourd. Va déboîter de la nuque. On se retrouve d'ici 5 minutes après ça. Check ça mon gars. Voisins. Here we go again. La big antenne. Parker. Laisse les rapper, laisse, toi ça fait que jacter. Le rap est une fouca qui mérite de se faire coiffer. Notre art, impossible de lâcher. L'usine, il n'y aura pas de plus que d'être craché. Joue rap, big rap, où sont les voyous? Dans le rap, ils vendraient leur mère pour un caillou. Pas couille, sache qu'en bas de chez toi, c'est comme partout. A vous, tu parles de calibre, mais ta wall. Pour mieux les allumer, j'éclaire le front, j'ai les dents longues, j'suis mal luné. C'est pour ça qu'on arrive dans l'ombre. Tu t'affiches, t'as plus une thune, t'es en chien dans le bal. En plein dans le crack, même si t'as tout dans le cul parce que t'as rien dans le crâne. Ils ont que ça à faire. Jacté, pendant que j'lâche mes vases, mais laisse les bénins dans creux en falche comme des yashkenas. Ce que tu dis, c'est du vent, c'est pour ça que j't'entends pas. Langue de voix, dans les langues de pute, y'a pas de langue de bois. Ma gueule, si on s'unit, c'est mort. Un pugilat, ce que vont subir les forts, juste un peu d'effort, ça suffira. Ils m'ont écouté du rap avec leur connerie. Même si j'suis dans le school, j'te baise après la sonnerie. Laisse les morales, laisse les jacter, y'a que les vrais qui reconnaissent. On calcule pas ton rap ici, mon rap a gêne aussi. Fume un bédon avant un plan, il faut rester lucide. Le rap c'est plein de cadera, de fatou et lucide. En carrière je vais débouler si demain je réussis. Fuck les pubs, fuck les stupes. Pour rapper tous, vous avez rien dans le but. Ici c'est banlieue S, arme de l'Est. Celui qui teste, il va y laisser sa veste. T'es sous vodka, vodka, tu vas te faire allumer. Qui disparaît pas après la fumée. Laisse les rapper, laisse, toi ça fait que jacter. Le rap est une fouca qui mérite de se faire coiffer. Notre art, impossible de lâcher. L'usine, il n'y aura pas de plus que d'être craché. On arrive dans le rap, je vois que les sourires se jaunissent. Leur showbiz est comme du rap dans une voiture de police. Isolé dans un arc corrompu, rempli de ripoux sous rebut. Je sais pas si je vais percer, si pour ça faut que j'ouvre le cul. Pareil que c'est bandant d'être indépendant. Mais en attendant, mes grandes dents croquent dans rien de ce que t'entends. Nique leur mère, l'usine fait du son pour les vrais gars. Je reste sale, leur mère commerciale ne m'intéresse pas. Leur business crade, fait du schlag de pute et pas gros. Écoute ça gros, mets mon son à fond pendant un braco. Mon crado, je fais pas le gang pour jeune pucelle. Je tombe du ciel, même le chitane suit quand je monte sur scène. Les ondes disent crasseurs, radio usées. Des rigolos font les boys gros sur net avant d'aller sucer. On vient se rapproprier ce qui est à nous. Serre la main au rap français, bienvenue dans l'univers des jaloux. Laisse les rapper, laisse, toi ça fait que jacter. Le rap est une fouca qui mérite de se faire coiffer. Notre art, impossible de lâcher. L'usine, il n'y aura pas de plus que d'être craché. Sous rap, big rap, où sont les voyous? Dans le rap, ils vendraient leur mère pour un caillou. Ma couille, sache qu'en bas de chez toi, c'est comme partout. A vous, tu parles de calibre, mets ta wall. rien, c'est la merde. Les petits veulent bis bis. Ils passent à la match des clips sur banane, fini les 10-10. Un tourbillon de planteurs, plané mille et une centaire. J'ai plié une rancœur, voici la banlieue dans toute sa splendeur. Sort de la sec, voici le mec, né à Noisy-le sec. Mais de mon trail en passant par Romain, ville Rendec, t'inquiète. Pas de trompe-l'œil chez moi, y'a toutes les espèces. Les trois farces parlent en rabouin. C'est pas ça, toi, pourtant j'ai quand même entendu tirer ça. Ouais, chaque fois que je sors dehors, je crois un policier. Il n'est pas tout seul, non, toujours entouré d'officiers. C'est sa grâce, veulent me palper comme si j'étais une gâchie. Mais leur expliquer le respect, c'est comme un lefty, ça sert à tuer. Merde, sur les petits, je sors d'un bourbier où filer droit est compliqué. Ou même les plus sages le sont devenus pour te niquer. Ne cherche pas, car les rues de ma ville ont rétréci. Où chaque passant peut devenir un sniper très précis. Cherche pas, laisse-moi où je vis, pousse les mauvaises graines. Problème, on se resserre un verre quand la coupe est pleine en graines. Tous les soirs par du coin à aller chiner. La carte de ma ville est le seul truc que je sais dessiner. J'ai perdu ma pudeur car la France veut faire du topless. Je dois faire mon trou, percer ses rondeurs du fond de ses grosses fesses. Bien obèses, fondateur mes rues, créateur d'affamés. L'argent est confortable, c'est facile de s'y affoler. Lunettes de soleil dans l'oreille, sirène, chien cabois. À croire que les limites de ma ville sont murées d'une paroi. J'ai repassé ma chemise, j'ai repassé mon dickies. Je n'ai même pas de pantalon moulant, je ne sais pas faire de striptease. Ma chaîne en or pour aller électrocuter en un coup de taser. Je viens de la rue, non, je ne m'habille pas comme un footballeur. Dans ma rue, je marche avec les morts ou avec les roms. Faut que je vende mon lecteur cassette pour un lecteur de CD-ROM. Cherche pas, c'est de la consa. Banlieue est jusqu'à l'ouest, par Paris, même du sud au nord. Cherche pas, c'est de la consa. Banlieue est jusqu'à l'ouest, par Paris, même du sud au nord. Viens faire un tour dans mes allées pavées, tords-toi la cheville. Ça monte et ça descend, fais pas crari, vas-y fais la chenille. Jette un bout de couplet pour mes rues et ces enfoirés. Si je n'ai pas réussi, alors qui pourrait s'en emparer? Je ne sais pas qui pourrait le faire à part le diable lui-même. Un cri dans la nuit de plus résonne, peut-être serait-ce le 8e. Je regarde tous les côtés autour de moi, il n'y a rien. Peut-être serais-je l'auteur et l'acteur de mon propre larce. Traîne dans mes rues, on verra qui tu es vraiment. Le chemin malfaisant, un aimant pour l'enterrement. Quand les ombres rôdent, flottent à la surface de la pierre. Il est nécessaire de savoir sauter par-dessus les barrières. Chez moi comme partout, quand on me voit, on se demande ce que tu fais là. Parce que tu sais pas que chez moi, chez moi, chez moi, cherche pas. J'aime la ville et ses moments, la cité et ses mamans. Mais ne fais pas le fou car les trous restent permanents. C'est pour ma banlieue que je représente. Quand est-ce que toutes les têtes vont au Sénat faire une descente? C'est pour ma banlieue que je représente. Quand est-ce que toutes les têtes vont chez Roland faire une descente? C'est pour ma banlieue que je représente. Quand est-ce que toutes les têtes vont à l'Élysée faire une descente? C'est pour ma banlieue que je représente. Quand est-ce que toutes les têtes vont à l'ONU faire une descente? Pour mes banlieues que je représente. Quand est-ce que toutes les têtes sont dans les rues faire une descente? Pour tous les quartiers que je représente. Quand est-ce que toutes les têtes vont s'unir pour faire une descente? La big antenne. Oh oh oh oh oh oh oh, vous êtes toujours en direct sur le 107.0. Vous êtes avec l'équipe de Déglingo qui a bien du mal à être à l'heure au rendez-vous. Vous êtes sur le 107.0, c'est la fréquence qu'il te faut. C'est la big antenne et on est là. On va retrouver toute l'équipe en place tranquillement. On vient de se déboîter gentiment la nuque tous ensemble sur un son de l'usine, sur un son de Senza. Et ça s'est bien passé, on espère pour vous. On nous entend en cabine là? On nous entend en cabine? Check, check, check, check, check. Check, on vous entend pas, un souci technique indépendant de notre volonté. Oh oh, il semblerait qu'il y ait quelque chose de pourri dans ce royaume de France. God of damn it. En tout cas, en attendant que le souci technique soit réglé, n'oubliez pas que vous pouvez interagir directement. Vous pouvez nous passer un petit coup de fil au 03 29 62 40 40. Et on annonce d'ores et déjà qu'il y aura des scuds à gagner. Donc 03 29 62 40 40, vous appelez sur le standard de Gamozo. Là, c'est bon. Vous appelez sur le standard. Ah. On a vu la lumière. Que Super Lia est là pour régler les problèmes techniques. Bouton, on voit les pros. On voit les professionnels. C'est compliqué la régie, c'est compliqué. Il fallait quand même être vachement formé là. Le bouton était caché, C'était juste la lumière en fait. Non mais c'est quand même vachement technique. Prochain commentaire, je le sors. Bref, on est pas en tout cas, on n'est pas là pour se froisser, ça serait dommage, ça serait un peu tôt. donc voilà, bah on est toujours avec nos amis de Infréquençable, notre ami Drex, notre ami Levo, salut Levo, qui fait de la musique de Vaux aussi. Ouais, Zandvoort, pour bientôt dans les bacs, NC4. De la Zandvoort Music, c'est Zandvoort Rock and Roll. C'est tout un concept. C'est un concept. C'est un concept qu'on est en train d'explorer un petit peu. Tu veux nous en parler tout vite de ton concept de Zandvoort Music? Ça veut dire quoi Zandvoort au fait? Zandvoort, c'est une question de dossier secret qu'il ne faut pas révéler à la France entière à cette heure-ci, je pense. Wikileaks. Les gens sont pas prêts, ils sont encore sur le choc de Notre-Dame de Paris. On va rester secret, mais Zandvoort bientôt dans les bacs, je pense. En même temps, je suis Zandvoort comme t-shirt. Nous sommes Zandvoort avec Notre-Dame de Paris derrière en emblème, c'est un peu pesant. Non, mais on est en train de réaliser un concept. Non, et puis déconne pas, moi je suis animateur. On soutient de près ou de loin ce projet. Fais gaffe à ta clé USB. Ça arrive pas qu'aux autres. Donc on parlait musique, mais on vous propose de s'amuser un petit peu, parce qu'on a travaillé, mais faut savoir se détendre. Alors, on veut vous proposer un petit jeu parce qu'on sait recevoir sur votre émission préférée. On sait recevoir sur. La big antenne, la big antenne, la big antenne, la big antenne, la big antenne, la big antenne, la big antenne, la big antenne, la big antenne, la big antenne, la big antenne, la big antenne. Du travail derrière. J'ai fait bac première catique aussi, c'est. Non, c'est 5 ans, 5 ans à peu près pour arriver à un niveau comme ça de DJ. on disait on sait recevoir, on va pas parler que boulot, on va vous proposer, puisqu'on a pas préparé de jingle, mais on va vous proposer un portrait chinois. En principe, c'est Drex qui fait le jingle là, mais il est pas dedans, il est pas concentré. Il tourne de nuit. Voilà. Donc un portrait chinois, vous comprenez, vous connaissez le principe, c'est pas compliqué. Si vous étiez un, je serais un chinois. Si j'étais un portrait chinois, je serais un chinois. Un portrait à l'oreille cassée de Van Gogh. Par exemple. Dans l'idée. C'est pas compliqué. Soyez pas plus con que vous en avez l'air quand même. Non, c'est pas compliqué. On vous donne un thème. Pas la peine de paniquer. Pire que Burger Quiz. C'est un peu inspiré du Burger Quiz, effectivement. Alain Chabat dans la place. Qui m'a soufflé un peu, qui m'a proposé ça. Non, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Bon, on se concentre. Il y a 45 000 euros à gagner. Lia me dit que c'est bon. On a l'accord du CA. Donc, on a 45 000 euros à gagner ce soir. Un voyage pour 12 personnes aux Maldives. Et son poids en service a fondu TF1. Donc on se concentre. Alors on reste concentré. On est en train de perdre Mike là. C'est du direct, vous êtes sur le 107.0, c'est la big antenne. On déterre les chrysanthèmes. Alors si vous étiez, on va commencer gentiment. Si vous étiez un film et pourquoi? Alors Drex, fais-leur une démonstration. Alors, si vous étiez un film, chacun son tour. Si vous étiez un film et quel film? Drex, tu nous dis quoi toi? Moi je pense que je serais Inception parce que je suis resté perché. Bonne réponse. C'est dans la thématique. Tu es à 100 euros. Ouais, c'est dans la thématique. Putain, il faut vraiment un jingle pour les réponses comme ça. Un applause ou un truc comme ça. T'inquiète, je t'en ferai un. ma gueule. Ça sera carré de chez carré. Fruitiloup, RPZ. Le veau, alors, il dit quoi? Je sais pas. Moi, je pensais à Rubert, l'histoire du pneu. Parce que ça a pas vraiment d'intérêt, mais c'est rigolo quand même. Quentin Dupieux, c'est ça? Non, le Rubert, l'histoire du pneu. Ouais, mais c'est Quentin Dupieux qui a fait ça. Ouais, peut-être. J'ai aucune idée, mais c'était vachement marrant. Je crois. Non, mais c'est bien, la modestie et. Toujours. Humble, savoir rester humble. Ouais. Se comparer à un pneu, c'est bien. Ouais, c'est pas mal. C'est suffisant, simplement suffisant. Il suit sa vie de pneu. Et il emmerde personne. Ah non, il fait chier personne. Et basta. Bon, ça doit être un film à conseiller. Ah ouais, non, mais complètement. Il est disponible. Sur le web, la vie d'un pneu. La vie d'un pneu, c'est ça. Bon, écoute, il rencontre un cric peut-être. C'est l'histoire de sa vie. Formidable. Bon, et toi alors, Mike, ça serait quoi si t'étais un film? Attention, il y a peut-être des enfants qui nous écoutent. Hein, donc, Attends, mais c'est quoi ? Ce sera les tuches. Ah, les tuches. Ouais. Parce que j'aime les gens simples et pleins d'amour, tu vois. Ah, voilà, putain, on se croirait, dans le boulonnais, dit, on se croirait un peu d'un ch'teur Pas-de-Calais caché comme ça. Ah. Ça fait chaud au cœur. Hein. Après, une cagnelle vient de mettre piadache, tiette. Et toi, alors, Ted, ni queue ni tête, ça serait quoi, toi ? Un film. Parle au micro parce que le monde entier. Il ouais, y a des enfants. Un film. Il y a des enfants. Hein. Scarface, ouais. Scarface. Il y a des enfants, t'as gars, putain. On disait qu'on était à la recherche de subventions, ils nous balancent Scarface, les gars. Quoi. Non, les grand public, les mecs, on les disait. Vous déconnez. Non, les évadés. Les évadés, ouais, enfin grand public. Les grands films. Pas mal. Ouais, bah justement, parce que là on est en train de profiter d'un peu, on mange un peu, c'est important quand même de bien manger. Du chorizo. Comme on disait avec Drake cet après-midi, on a plus peur de la faim que de la mort. Donc, si vous étiez un plat, quelque chose qui se mange. Attention, c'est une question cruciale et capitale. Des lasagnes. Ah ouais, ça dépend de quel format de lasagne. Un couscous, c'est exotique. Un tartare au saumon, mon gars. Représente Julie, tartare au saumon. On lui fait des big-up. Là, ça levait. Ah ouais, le meilleur tartare au monde. Tartare au saumon. Le meilleur tartare saumon. Et Smoka, c'est quoi son plat? Pâte aux bières. Ouais, j'aime les gens simples. Pareil, c'est comme des tuches. Fond de figo direct. Et plein d'amour. Ouais, dimanche, il met du viandox. Simple, efficace, 10 minutes de préparation. C'est... Repas de chantier, ma gueule. C'est net. À Noël, il y a du parmesan. C'est royal. Et toi, Big V? Ouais, en fait, tu dis pas, toi. T'as pas du feu? Ouais, je dis pas. Non, c'est non-fumeur ici. C'est non-fumeur ici. Ah, merde. Une bonne grosse fondue savoyarde. Ah ouais. C'est vrai que c'est pas mal. On peut taper dans la raclette aussi, plus ou moins. Ouais. Un truc dans l'idée. Ouais, un truc à base de fromage, ouais. Par exemple. Enfin, après, nous, on bouffait tous les râteliers. Ouais, c'est pas faux. Mais le tartare de Julie, quand même. Ouais, par exemple. Ouais, un bon tartare de Julie. Ah, tiens, ça, c'est une question qui me plaît bien. C'est dans un autre registre. J'aime bien, ils sont. Je pense qu'il y en a qui aiment bien. Ça. Si vous étiez un personnage de film d'horreur, quel est ton film d'horreur préféré? Moi, ce serait ça. Là, on n'a pas de jingle. Moi, ce serait Freddy Krueger. Ouais, c'est parce ça, que moi, direct. Freddy Krueger, parce que lui aussi, il a un rapport avec les rêves. Ah, parce qu'il pénètre tes rêves, ouais. Ouais. Francis Olmo aussi, d'ailleurs. Pas que les rêves. Guy Georges aussi, d'ailleurs. Crade. On me disait, Ted, il nous décolle. Ouais, je parlais de ça. Ah, le fameux clown. Il est très fort. Ça, deux. Ça deux, non, il est nul. Non. Le pote de ça, il me fait flipper, moi. Le petit bonhomme dans Saut, c'est avec son tricycle. Jigsaw. Jigsaw, mon gars, il est badass. Mais saucisse et saucette, j'ai pas bloqué, moi. Saucisse et saucette. La machine, elle avait direct. Moi, quand t'es foutu de ma gueule, quand tu dis que t'allais voir au cinéma, alors... Chucky. Oh, putain, Chucky, il est bon. Annabelle, la poupée, fait flipper. Ouais, mais j'ai pensé à Annabelle, mais je lui dis, bah c'est quoi? C'est juste un remake de Chucky. Ouais, complètement. Chucky était plus badass. Sylvester Stallone en mode poupée. Vous semblez quand même oublier le maître absolu de tous. Hein. Ou la fiancée. Le meilleur Chucky de tous les personnages de films d'horreur. Par exemple. C'est Pinhead. C'est Hellraiser. Avec les clous de partout. Il m'a toujours hanté mon enfance, jeunesse. J'ai jamais vu le film. Rien que l'image. C'est un univers magnifique. Ah non, mais ils en ont fait 9 pourtant. En plus, c'est assez inégal, mais il n'y a que les deux premiers qui sont de qualité. De Clive Barker, l'écrivain, le créateur de l'univers. Mais pour moi, c'est les meilleurs films d'horreur. Massacre à la tronçonneuse aussi, c'était bien. Ah bah, les Orphées, c'est un classique. De toute façon, on aura l'occasion de faire une émission spéciale horrifique, je pense. Ça sera très sympathique. Avec un live préparé pour Halloween, cette fois. Avec un live préparé. Paraîtrait que le jour où on sera moins branleur, on arrivera. Bon, justement, la preuve qu'on n'est pas des branleurs, c'est qu'on va proposer à notre auditariat de peut-être gagner une compile de du fond du crew. Est-ce que t'es d'accord? Ah ouais, sérieux? Gracieusement, une compile du fond du crew. Je sais pas, c'est cher et il y a beaucoup de taf dessus. Ah bah, il y a pas mal de taf. Attends, j'ai une compile du fond du crew. Est-ce que vous offrez mieux, les gars, peut-être? On offre un maxi, le EP de la fréquence là, ça et un t-shirt. Et un kebab aussi. Et la couleur, putain. Attends. La couleur qui veut, blanc, rouge, noir. Depuis le Bédu, on offre une compile du fond du crew, un t-shirt infréquençable et un maxi infréquençable. C'est bien ça le bail. Ouais, c'est ça les bails. Un album, plus un album d'ISO, Et un album disso, oh là là, plus un album Smoka, le pack, saison. Putain le pack, les gars, le maxi pack qui se prépare pour vos oreilles de fragile ce soir. La Dorera, le maxi décalcou, ça sent le Dorera. Est-ce que attends, on a le producteur qui est là. Est-ce que on peut s'engager, producteur? On a le producteur qui est là. Est-ce qu'on peut s'engager nous faire un petit geste aussi à mettre en prévision, en prévisionnel dans le maxi pack un t-shirt du fond du crew qui va arriver bientôt aussi. Oh putain, eh bon. Hey. Il a dit oui. En vrai, il a dit gars, oui. Fais moi, pas rien, patron. Oh là là. Hey, gars, meuf, sans déconner, on ça va te mettre chier. Bien. T'appelles, mon gars, t'as juste à passer un coup de fil. 03 29 62 40 40. 40, 40 tu repars, ouais. écoute bien, tu repars avec un t-shirt de Infréquençable, un t-shirt du fond du crew, un EP du fond du crew, un maxi d'Infréquençable, un EP de Smoka et un EP d'Isso de Drex. Et un sticker, t'as bien aussi, entendu. Un sticker. Et puis un concert privé. On verra bien un sticker. Et un concert privé. C'est quoi le numéro? Il y a Olivier qui va passer la tourneuse dans ton jardin aussi. On est d'accord. T'as bien entendu. Chez la pelouse. Tu sois dans le monde. Et du coup, c'est quoi la question? Bah attends, non, on va pas faire une question, ça va être encore plus facile que ça. Un blind test. On va faire un petit blind test. Ouais. Où que tu sois dans le monde, tu arraches le numéro, le téléphone à ta proximité de toi. 03 29 après, 62 40 40. Ok. Tu vas tenter de garder, de gagner ce pack là, mon gars. Alors fais attention. On va passer de la musique. C'est des morceaux consacrés. T'arrives à en avoir deux d'un coup. Sur les trois, deux bonnes réponses. Un titre ou un artiste, franchement on fait pas les pinces, franchement, un titre ou un artiste, tu réussis à avoir deux des trois et tu repars avec le maxi pack. Sinon, tu resteras la prochaine fois. Attention, on est parti. Pas le droit à Shazam. 03 29 62 40. Tu Shazam ta race, on vient de trouver, on te pète les genoux, frère, si tu Shazam, t'as entendu ça, bâtard? Tu Shazam ta race. Sans déconner. Fais belek, gars, hein, fais belek. 03 29 62 40 40. 40. Plus de sur 3 de trouver, c'est parti, en avant les copains. Ah yes. Comment ah c'est yes. Easy. C'est quoi ce blind test là? C'est trop donné. Cette musique me fait largement penser au producteur. Le fond du crew. Franchement, si tu connais pas, gars. Au moins un titre, frère. Tout sort d'une ronde, Belzins Breakdown. C'est chaud à côté. Bon, celle-là, tu l'as, t'as noté, bâtard. Facile, non? Sérieux, sois pas folio. Attention, on enchaîne sur la deuxième. T'es prêt? Pas de fragilité. Deuxième extrait. Facile. Ouais, quand tu vas ma gueule. C'est pas compliqué. Ah, moi d'habiter à proximité de Fougerolles, tout le monde connaît. Ah bah ouais, celle-là. Petit frère n'a qu'à souhait devenir grand. C'est pourquoi il s'obstine à jouer les sauvages dès l'âge de 10 ans. Devenir adulte avec les infos comme mentor. C'est éclater les tronches de ceux qui ne sont pas d'accord. À l'époque où grand frère était camin, on se tapait des délires. Une blanche neige et les sept nains. Maintenant les nains ont dit que la prochaine. Et ça fait seul dans la pénombre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Avec mon passé, cherchant un bon moment, les joies, les raisons pour lesquelles j'encaisse la monotonie de cette vie. Plus désarmé qu'au premier jour, les années blanches de ma jeunesse se sont laissées posséder. Quant au futur, technique, c'est là. Au futur, j'ose même pas y penser. Vie de ma vie, et pourtant, je n'ai pas choisi tant le présent le calmer. C'est sûrement le jour où je suis né, le jour où je n'ai pas croisé la bonne fille qui aurait fait ça. Tout le monde connaît ça, tout le monde connaît ça. Je ne suis pas ce qu'il m'arrive d'envier parfois, ce que la vie a doté d'une chance. Mais moi, malheureusement, voilà, je ne suis pas là et privé de ça. Pour qui devrais-je mener un combat? Eh, à quel numéro? 03 29 62 40 40 sur la big antenne. C'est la big antenne. La big antenne. téléphone tout vite, frère. Passe un coup de téléphone tout vite. Tu veux pas appeler pour ça coûte rien en plus, hein. France métropolitaine. Il y en a qui essayent de. Ouais, non, mais vous avez raison, hein. Personnellement, moi je serais à votre place, je le ferais aussi. Hein. Un t-shirt, je sais qu'ils les reprennent à l'abri, donc faut pas hésiter. Faut pas hésiter, hein. Faut pas hésiter. Hein. Enfin voilà, c'est toujours une, c'est toujours une, un plaisir non dissimulé. Non, on est toujours sur les bonnes ondes de la Big Antenne. Je sais pas. Il est 10h les garçons. Là, on a. C'est bon, vous avez mangé à votre faim, même si encore à grignoter. Ouais, le chorizo alimentaire, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal aussi. Quand même. Ouais, on va peut-être pouvoir passer au digestif. On va peut-être pouvoir commencer les hostilités. Les choses sérieuses. Est-ce qu'on balancerait pas un petit morceau, un petit inédit, un petit freestyle là pour commencer, par exemple. Live tranquille. Tranquillement. Mais vraiment tranquillement. Attention, hein, moi je veux pas que personne se blesse ou quoi que ce soit. Pas d'échauffourée. Mais on est là pour profiter. Quoi, j'sais donc pas, un petit. Ni que ni tête, quelque chose à proposer. Ouais, ni que ni tête, qu'est-ce qu'il a à nous soumettre? Un petit truc jazzy. Un petit truc jazzy. Funky. Ah bah alors les gars, allez, on va faire un petit peu d'exclu pour les auditeurs de la Bigantelle. Voilà. On appelle ça de l'agression sonore. Ah bah c'est du direct. Ah bah c'est du direct. Hein. Heureusement que l'IA est là, parce que là sinon, là, on aurait perdu au moins les trois quarts de l'audio. Pas trop de son dans le casque, ok. Pas de si ma gueule, j'ai pas de ok. Attends, ok, je vois de 3, j'ai gants de 8-6. Ok. Ok, on est parti, et man ma gueule, jet man, ça se passe comme ça à Saint-Etienne, 107.0. Radio Game Ozo, phénoménal style. Yeah, ok. Bon. Bon, ça va, allez, vas-y, on repart comme ça, va. Jazzy, Cody, Raga, stuff, phénoménal style. J'ai rarement l'occasion de poser, justement. Toujours en train de gueuler dans mes concerts, toujours en train de gueuler au studio, toujours en train de gueuler. Cette fois-ci je vais rester en slow, ça fait. Oh. Moi j'ai la foi mais n'y crois plus, le paradoxe s'accroît. Là comme des pommes est suspendu et plus rien de sacré. Aucun malentendu, j'ai tendu l'ouïe. Plus de doute possible, la populace est possédée. Trop stressée et pressée, pour ça que j'enfile mon masque. Oublions pas qu'on a tous en nous le gène du fracassé. Agacé, Mike a dit on a assez. Jacques assez, Jacques l'emmerde, vite mon sac me gâte. J'ai du temps à perdre, j'ai des envies de m'enterrer parfois. De moins en moins tenté d'essayer de trouver la joie. One, two, la boucle est bouclée. C'est sans rappel, je suis prêt à recommencer. Dès que la mort veut de moi. Si rien n'a de sens. Si rien n'a de sens. Si rien n'a de sens, bien, ça fait. J'ai trop de mal à faire semblant, je reste courtois, mais le manimal en moi me suggère des mots cinglants. Depuis le temps que j'entends parler de la cinglinglin, chaque année j'attends, je suis prêt à patienter encore 100 ans. S'entendre est un parcours de combattant, on tend se pente, le taux de réussite est bien plus important. Monde de fou, monde de vache qui ne manque pas de cruauté, t'es au cœur d'un passage qui demandait ta 4 pattes pour passer. Nous sommes tous confrontés à nos démons. Des portes de pousse, la plupart viennent au néant. Je bafouille, c'est pas grave, j'suis en direct. Fais pas chier, putain, c'est qui le MC qui part contre direct. Yo, 8. Oh, Jeff, putain, fais-tu 8. Est-ce qu'il y a du MC de la place? Yo, ouais, du direct, ma gueule, yo. Rex, c'est la gigantesque. La dealer. Ok. Il est coupé. Non, il est pas coupé, c'est juste que t'entends pas assez. Ouais. Yo. Yo, ok. Ça va mieux avec du tosma, mais je veux pas de boss, moi. Okay. Bosse-toi, dis à ton Drex que tu n'oses. Je te dis bosser, ça ne me dérange pas, c'est chercher qui ne me chauffe pas. Beaucoup trop de faux pas chez les humains, les pauvres, ouais. Gars, c'est triste, mais sans ma bière et mon pet, j'ai des lacunes. J'aime être éclaté de la puissance d'un kraken, j'ai craqué. Pas en position de me plaindre, mais j'ai de la peine, viens baquer. Fais ça avec ton âme, mec, t'en as qu'une. Naked, je me cache pas sous un gros pull. J'suis pas là pour piquer, j'fais mon art, pas la grosse pute. J'en ai rien à branler, que t'aimes pas. Moi je mets, j'suis trop dérangé si Gina le t'aime pas. Je respecte le tempo, j'rappe avec ma team pote avant tout. On va pas s'engueuler pour du zay, oh non. On s'en branle de tes frais, gros. On en chante que des vrais Big V. Allez, un morceau léger, s'attire au soleil sur les points de grec, son côté merveille, le mec qui comprend l'air, tout droit du côté. On t'entend pas gros. Un morceau léger, gratté au soleil, sur les prods de Drake, sont faits des merveilles. Mec qui compte en l'air, ton rap de fragile, méga rentre en pige, t'es ce sera pas triste. Yes. On sait qui de doigts, sauvageons sur le banc, pour du coup un doigt, droit dans ton fondement. Prends pas cette air stop quand tu nous entends. Pour les prods ou d'or, on met pas de gants, ça s'écoute très fort, on met pas de ruban. Je profite de demain, sans me soucier de demain, c'est en noir et blanc que je passe pour un grain. Nous sommes là de vos messes basses, sonne le glas de vos promesses. On s'arrase à se débattre dans la fange la plus complète. Même nos vers semblent spartiales, dans nos rimes souvent régressent. Une faudrait que je me casse, tant que sanguine pour seule maîtresse. Tout le monde gratte comme des têtes, on affirme nos vies trop crasses. Le fond du groupe en fond de classe, clic de poète trop minable. Pour pas fouiller les archives, leurs rimes sont toutes dégueulasses. La connexion sert de guide à toute une armée de braquasses. La big antenne, la big antenne. Oh oh oh oh oh oh oh. Merde. Toi-même tu sais comment ça se passe, tu sais c'est quoi les bails. Merde. La big antenne, la big antenne, la big antenne, la big antenne, la big antenne, la big antenne, la big antenne, la big antenne, la big antenne, la big antenne, la big antenne. On est d'accord que c'est comme ça que ça se passe, non c'est pas comme ça. C'est comme non, ça que ça se passe, mais c'est pas autrement mon gars. C'est comme ça que ça se passe, non. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Et voilà, vous êtes toujours en direct, on est là pour faire du sale. On est là pour se déboîter la nuque tranquillement, en famille, casser ça se passe nuques, plutôt bien. J'ai ramené l'harmonica. Merde. Ah bah, ouais. Hey, tu vas lui faire une petite balade country alors un peu. Ni queue ni tête. Ni queue ni tête à la prod. Ça continue ça gentiment. Alors c'est parti, ça va bien se passer. Ah, il est en mode léger, le gros. Il est en mode lève le pouce et tout, hein. J'ai trop de mal à faire semblant, y'a mal de plaza. J'débarque sur mon cas avec tous ses amis de la décale. Non, y'a ici, putain, c'est la nouvelle génération, ouais. Qui débarque avec des vieux cons, ouais. Y'a, ok, y'a, yeah. Ni queue ni tête à la prod, y'a. Radio Game Ozo, ouais, y'a. Jouer de la rime n'a jamais changé le monde. Donc soft balance, la légèreté sur les ondes. Texte simple et sympa, peut-être simplet. Des grooves crasseux, issus de l'ancienne école s'il vous plaît. Laissez-moi loin de vos clashs, de vos sauvons les apaches. De vos rêves de cash, moi je veux une glace valutache. De part en couille de tout part, t'es pas nouveau on le sait. Le sujet se trouve sur un million d'albums de rap français. Un bol de balai, je n'ai pas des sky à la main. Split vos lèvres assis sur l'escalier. Ou bien me barrer avec les potes itinéraires. Improviser soleil plage me semble bien approprié. Mais bon, je me contente de la première idée. Oh. Et sors du poste pile poil ce qu'il me fallait. Ambiance rétro qui apaise. À l'aise, il me reste plus qu'à m'affaler. Allez, ok, ok, ok. Je laisse ça comme ça, tu te démerdes après, toi, tu fais la transition et c'est tout. D'accord, ok, bon, sois léger, quoi, c'est tout. Ok, léger. Okay. Je fonctionne pas correctement, je pète les plombs, j'entends des trucs qui sont pas là, pas des voix, non. Juste des sons bizarres qui sortent des fonds de tiroir, enfin bref, cauchemar. C'est très dur d'organiser mes pensées, donc ferme ta gueule quand je parle, s'il te plaît, je te fréquente pas, si t'apprécies pas la fréquence, voilà ce refait. Yeah, je suis de moins en moins stable, bien on se tape, non, je déconne, je frappe personne, moi je zappe. Yeah. Salut, mon nom Anna Drake, je te stimule. Yeah. Vieux qu'une pilule, rien ne tasse, jamais tu ne simules. Yeah. Nos placibos, j'ai cette vibration spéciale. Je mets de l'engrais sur mon ego, plus j'en ai plus truqué bestial. J'ai pas peur de la mort, pourtant j'ai peur des petites bestioles. Qu'on va te donner dans les coups si mon sang est fluidifié par l'alcool. Ouais, couché dans l'air tout pété, hâte de retrouver le goût de l'été. Des prétextes pour tout fêter, juste pour se la mettre comme tout déchet. Tout ce que je fais, c'est rouler des troncs, pouvez-vous m'aider? Non, poussez-vous et essayez d'apprécier les connexions. Putain, je suis bourré, c'est à toi, Big V. C'est à toi, Big V, la big antenne, la big antenne. La big transition, antenne. Voilà, on y est, c'est bon. Un, Big V, go. Ça encore, j'ai pas le moral. J'ai besoin d'une bouffée d'air. Tous mes potes se font la malle. Je rame seul dans ma galère. On m'amènera à cette brigade, faire un archipel grégaire. À force de broyer du noir, j'en délaisse mes vrais frères. Tu pars son bras amputé, au chirurgien, je l'opère. Là, moi, je l'air des thérapies. Ah, mais sûrement la plus terre. Se débat dans ses écrits, les broseries de ma grammaire. J'aspire à l'anthologie, mes gros crâches et rumées noires comme les volumes d'un concile. Et mon gélis pétionnaire, ou satanis prosélite. J'ai le cul entre deux chaises, la souffrance à cénobite. Ah. Dis-moi qui conquérisera mes plaies, qui bouchera mes cicatrices. Mon penchant pour les rimes crasses, mon apaisant je vous évite. J'suis bloqué dans ce marasme, mes tritures, mes otolithes. Ta force de ton dégueulasse, j'en perds tout esprit critique. Ah, j'en perds tout esprit critique. Esprit critique. Esprit critique. Parfois. Ok, ok, ok, ok. Vous êtes toujours là, vous êtes toujours connecté. Vous êtes toujours quoi? sur quoi, sur quoi, sur quoi, sur quoi. Shit. La négative, nous teste. La bigantaine, la bigantaine, la bigantaine, la bigantaine, la bigantaine, la bigantaine. La bigantaine, la bigantaine, la bigantaine, la bigantaine, la bigantaine, la big antenne. Eh bah ouais les tontons, ça se passe bien tranquillement comme il faut, ça se passe plutôt bien. Ça se passe. On est là pas en direct sur Radio Gamozo, le 107.0, c'est la fréquence qu'il te faut. Qu'il te faut. Il y en a qui notent. C'est peut-être toi qui veux le gagner le t-shirt, hein, finalement. Bah, j'espère bien, c'est la fréquence. Bah, en tout cas, ouais, bah, la prochaine fois, vous irez chier dans vos caisses, hein, franchement. 03 29 62 40 40. Si vous tenez à repartir avec le magnifique pack de pack. Pack de pack. Le ouais, maxi de pack, ultra hein. Giga méga bon, maxi pack. Pack. Le tétra pack, donc avec tous les bons sons du coin, que des produits régionaux, du producteur au consommateur directement en circuit court. On est d'accord, ouais. C'est important de privilégier les circuits courts, même dans la musique. Hein, on va pouvoir écouter du son qui nous vient de je sais pas quoi, des Amériques ou je ne sais pas quoi, alors qu'il y a des bons produits, des bons petits gars qui font des choses dans le cru. Hein, ouais. On est d'accord. Non, eh ben justement, c'est le fond du cru. Tout simplement, chorizo à la main. Même c'est le chorizo. Mental, gros. Même le chorizo, je crois que c'est un peu exotique. Hein. Je sais même pas si on a vraiment. Plus ou moins. On n'est pas dans le thème. On n'est pas dans le thème. Ouais, on n'est pas dans le thème. Elle est vachement rouge, la saucisse. Hein. On n'est pas brouillé. On n'est pas dans le thème. Mais justement, allez, tiens, on va parler d'un plus. Non, dans le thème non plus. Et avec le son qu'on va mettre, l'IA sans commentaire. Non, parce que je suis en stage ici. Service civique. Le service civique. Il est en train de chier dans la colle. Ouais, mais grave. Là, mon ami, je suis pas prêt de revenir, moi. Bon, enfin, bon, on va vous laisser. On va partir un peu outre-Atlantique avec des sons un peu lourds, un peu péchus. Francky Vincent. Ouais, mais un peu plus ghetto quand même. Ah, regarde, voilà. Non, mais c'était attention. Exotique quand même à la base. Hein. Ah, prochain Wisdom. Tu et, mets quoi là ghetto un peu dans les îles. Et, pour le côté ghetto, c'est pareil. Hein, le côté exotique et ghetto, on est là aussi. Non, moi, je vous propose de partir. Bah, tiens, on va vous laisser avec un petit son là qui va faire plaisir aux tontons. Je suis sûr que ça va leur parler. J'ai pensé à vous en préparant ça, en mettant ça de côté du ministry. Ça vous parle un peu, ministry ? En préparant ça une demi-heure avant l'émission. Ah, toi, dis donc, non, mais. Mick, va chercher les Doberman. C'est mec, t'as pensé à moi, tu vas me dire. Ça fabule, ça fabule. Non, mais donc, le mois dernier, en préparant l'émission. Elle est belle. Le mois dernier, donc, on a commencé à faire une prévisualisation au niveau de la playlist et de la sélection musicale. C'est ça qui hantait mes rêves. Oui, c'est ça, c'est ça. On s'est dit, on allait vous mettre un petit coup de ministry et on va garder ça pour après. Et un peu de Drex, ça te dit toi de la musique de drogué comme ça t'aimes bien préjugé. Non, je rigole. Du coup, mets du Drex. Mais je t'en veux pas. Ah non. Non, mais on va rester un peu outre-Atlantique. Ça stigmatise. On va rester un peu outre-Atlantique. Non, mais ce que tu m'avais fait écouter tout à l'heure, là, ouais, tu veux pas mettre un peu de Ocean Wisdom Ocean Wisdom. Ouais, c'est Ocean Wisdom. Il faut le bac pour prononcer ça aussi. Hein. Ocean Wisdom. Wow. So, avec le son donc Raven. Donc, on va vous laisser avec un morceau de Ministry, le groupe. Tiens, ouais. Tu pourrais nous le présenter, okay. Ministry, en quelques mots. Les anciens, les tontons là. Ministry. Je ouais, présente à celui qui. Excuse-moi, je. Tu dis oui. Oui. Non. Oui. Alors Ministry, oui. Ah, c'est vachement bien. C'est pas mal. Ah, c'est... Moi j'aime beaucoup leur style, alors, ils sont authentiques. Ah, ils ont un bon nom. Ils sont très beaux. Ils sont très, ah, ils sont sympas. Ils rappent bien. Ouais, je crois que le guitariste est 44, je crois en plus. Ouais. Et, le beau. Non, donc c'est un groupe, je crois qu'ils sont new-yorkais. Non, pas spécialement. Non, ils sont new-yorkais. On est sur la même vague que Rage Against the Machine, sur la même vague musicale. Et donc là, avec un morceau 99% qui est sorti. Yes, I can. Ah, bah nous, on pense à l'histoire. So with the song 99%, and now we're gonna talk about Swarm music, you know, Texas, since 2004, yeah. You know, late than the finish of the last song. Pardonnez-nous, on a été décalé quelque temps au Texas. C'est le décalage horaire. C'est le décalage horaire. C'est compliqué. Et donc non, un morceau donc qu'ils avaient écrit qui parle des 99%. Rappelez-vous pendant la crise financière internationale, voilà, c'était un peu le, c'était un, entre guillemets, un mème à l'époque. On parlait des 99%. donc qui avait occupé la place de Wall Street, et c'est un morceau référence un peu à ça qui est sorti à cette même époque, donc de Ministry. Et après on va vous laisser avec donc Ocean Widow qui nous a été préconisé par notre ami Drex. Drex a de bon goût, il a de bon goût notre ami Drex, ouais, donc voilà, bon, parfois des goûts de merde aussi, et on vous laisse en musique avec ça, et ça devrait bien se passer. La Big Antenne. C'est parti, here we go again. 107.0. Parker. Jeu de mots avec Big V. Ouais, non, oui, mais ça vient. Big Antenne, ça vient. Yeah. Manifested this one man come through in all black, I just nicked something limelight rubber, the limelight tea for them, and they busy banning on the reefer. They never got the memo that a fellow from the south spitting ether. So either they deaf or they dumb, if neither they mocking it. They rockin' side city for the feature, they gimmicky, they relevant for now with no longevity. The remedy for that is how you body rhythm readily. So whoa, I ain't gotta study how another brother flow. Listen to a legend, make a better rapper grow. Better for competitors, delivering with a pro. Swinging with a donny, you're swinging without a G. Man's really in a hurry to build up another lead. Really in another lead, looking at the esteem, considering every challenge resulting in a defeat. They beat the beat, I eat the beat, then beat the beat, I cheat the beat, right? I beat the beat, boss. girls betray me and die. You be the bold cat, you're in between fight. Running in my cup, I'd be shutting down. She's sucking and satin and then she ducking out. I done a show with the baddest man about. I turn a gunner into a daffodil. The man, they're old in L's, the man ain't old in Z's. And that's fact. Them man, I already tell them I'm too much for them try rev. Like, why you try rev? About revving my face on a Sunday till I hit man with an awkward leg. Awkward elbow, top of the head, like boom, bow. Put him to bed, like Joe Rogan. Said a man like me ain't seen that in a thousand fights. Man got clocked with a vibrant bright and a hesitant left. Is a man still alive? Watch how I jump on a tune with Dill, and a real deal. Them man all hype, got a man feeling all diddy and white. No diddy, no dally, I flick out the light. Why you try rev? Why you try rev? Why you try rev? Why you try rev? About revving my face on a Sunday till I hit man with an awkward leg. Awkward elbow, top of the head, like boom, bow. Put him to bed, why you try rev? How you gonna come and try rev? How you gonna act like I'm not ahead and you're stuck on the red? You're easily red, like you're playing dead. I'm a rebel, I'm ready whenever my level is heavy. You're light as a feather, I beg. Beg, you know I'm a celeb, but I'm dreading. I'll put you to bed for some shit that you should've just thought, but you said. Cause you're a pleb, only concern should be getting this bread. Are you pulling my leg? Gone in the head, copper and lead, he dropped and he bled. Go get a doctor, I sent for the med. You should've fled, Dilly departed. Look what you got and you started. You bumper clock, should have been smart, but you were retarded instead. Use your brain, don't lose your lane. Maintain, refrain from saying my name, and I'll do the same. And everything will be right as rain. Don't go against the grain, cause I could get a little off the chain. Gassed up on my own, no shame, like I'm off the mains. They're looking at me like I'm at the wrong stop, and I got no ticket, I'll just hop the train. What have I got to gain? Already gained the fame, already caught the range. I come through like Doctor Strange. Tell a lame, miss me with the games, I don't entertain. Cocaine flow in your vein, but I bring the pain. Give me the long story short, don't make me strain, so I can see it all clear and plain. I'm not a plain Jane, I got Jane insane, hopping on the cane. She give me top, then I rock it again. She give me bright and dome. I'm up bright and early with a brighter bone. Even when I'm in Rome, I feel right at home. The beat got me in a tighter zone. I could've jumped on your heart, but I like my own. And I'm kinda grown. I heard Ocean Wisdom said somebody better get that boy on the phone. Let him do what he does. Don't change one tone, just leave him alone. Why you try rev? Why you try rev? Why you try rev? Why you try rev? About revving my face on a Sunday till I hit man with an awkward leg. Awkward elbow, top of the head, like boom, bow. Put him to bed, why you try rev? 18, I was AD with a break beat lately. Man, I made P from a G. Hopefully, man, I wrote down a couple notes on me. Oh, did he not? He don't know about me. Okay, low kiddy, man, and note on me. And then globally fan them and roll for me. Eyes on the beat, okay, man, and one show for me. They're a dope body, by the way they facilitate what I do. Bait and an antidote for me. We be high rope for me. And I didn't ride out on a waist, man, wave. It's a wild world, buddy. You should probably done for me. I'll be showing you the ropes where you're trying to just rave. Why hell, buddies, they are not that gully when you could be summoning the best of the greats. No sales dummy, that is not that funny when you got to rely on the old for the cake. Still fuck it, then my phone, I get a day away. I get up and I made a paper, then I get to prison on a puss. Luckily, the way they gravitate to what I'm doing, got them reaching in their pocket, dedicated to the cause. Cause they feel a man, I follow man, I run around the city like an animal, I put them on a pause. Cause their man and one is raw, as they thought they was. I'm on a Wu-Tang vibe on tour, better spliff and let me talk. I ain't fiddling with pork, licking on a line, ripping something broad, that's savagery. Man been on it since Mark and Valerie. This bar cost man calories, smashing the tie. Eubank swag, get a bang in the mouth. Junior swag, hold 25 more. Wiz be a fan of just having it out. I run up a tab, I told on the sweat. Why you try rev? Why you try rev? Why you try rev? Why you try rev? About revving my face on a Sunday till I hit man with an awkward leg. Awkward elbow, top of the head, like boom, bow. Put him to bed. Why you try rev? Oh oh oh oh oh oh, vous êtes toujours avec nous, vous êtes toujours au studio, vous êtes toujours sur. La big antenne, la big antenne, la big antenne, la big antenne, la big antenne, la big antenne, la big antenne, la big antenne, la big antenne, la big antenne, la big antenne, la big antenne, la big antenne. Eh ben ouais, Moret, c'est comme ça que ça se passe. Non, non, c'est pas comme ça, comme non, ça. Non. C'est exactement, vous êtes sur le 107.0, vous êtes sur le canal qu'il vous faut, vous êtes sur Radio Gamozo. On est toujours en compagnie de notre ami, nos amis Smoka et de toute la Clica et de toute l'équipe qui est là au grand complet ce soir. Toujours, et donc, toujours. On a dit qu'on n'est pas là spécialement pour parler que boulot non plus. Au bout d'un moment, c'est important de se détendre. On va faire un petit jeu. Vous connaissez le jeu du tu préfères ? Tu préfères ? Non, non, c'est quoi Big V ? Non, alors j'aurais peut-être dû faire des présentations PowerPoint, tu vois, pour pour les tontons, parce que non. Alors là, si on pose une question, tu préfères ? Là, ça commence à sortir les chlasses en face. Là, ça commence à être vraiment tendu, tendu. Tu préfères ceci ou cela ? Tu préfères ceci ou cela ? Par exemple. Plutôt East Coast ou West Coast si on parle rap qu'un si on parle rap US si on parle rap qu'un riz par exemple. Moi je dirais que c'est East Coast quoi. Direct, East. Moi c'est les égouts toi. Direct, c'est New York. C'est le côté schlagué comme tu m'as dit un jour le côté trashé côté trashé. Ça m'a toujours parlé comme le côté underground le East Coast le West Coast c'est plus côté justement bling bling capitaliste justement toi ça s'appelle. Je suis plus de ton côté Smoke East Coast. Merci. Ah ouais. East Coast. Non mais c'est bon, ça commence à être sexuel là, c'est toi. Biscoast. Et toi Ted alors? Ouais, pas la même nuance, New York, tout la ça. La même oui. Nouille. La même nouille. Je disais tout à l'heure, DJ premier et tout ça, oui. Je suis premier. C'est la Beast Coast. Ouais, ça se tient. Et toi, Big V? Ah, moi je t'avoue que musicalement et même pour l'imagerie, j'avoue que je me retrouve plus dans le côté West Coast. Ah, quand mais même. Le rider, moi je suis un cruiser avant tout. C'est West moi Coast, j'ai besoin de la plage, moi j'ai besoin d'être avec mon beach cruiser. On a pas dit qu'on aimait pas, on a pas dit ça. T'as parlé de la préférence. Moi j'ai le sang chaud, hein, tu vois. Moi j'ai le sang chaud, moi je suis latin, voilà, c'est West Coast. Hein. Ouais, nous c'est plus Nas, Das FX. Non, mais après voilà, je dis pas pour autant qu'il faut déclencher une guerre des gangs non plus, de se tirer dessus à tombeau ouvert. On va apaiser les tensions. Plutôt fromage ou dessert, tiens. Ah, ça, c'est une bonne question. Fromage. Mais j'aime pas le fromage, mais je suis pas sucré non plus, donc du coup bah je suis chiant. Mieux pas que tu viennes manger chez moi, c'est vrai que t'es un chien. Non, pas les fans de repas. Enfin, chez moi, c'est gruyère industrielle, c'est bien. Tu vois, manger des montagnes. Mais dès que ça sent un peu trop, c'est mort. Ouais, faudrait pas que tu viennes manger à la maison. Ouais, c'est ça, je sais. Un tartare. Je te prendrai. Est-ce que tu m'as déjà vu chez toi? Non, mais je te prendrai en pension une semaine. Crois-moi, ça te redressera les côtes, je te garantis. Alors, tiens, plutôt vin ou bière? Ah, bière. Bière. Ouais, bière, quoi. Moi, c'est vin. Bière. Le vin est terrible. Là, il y a du français, là, madame, la gauche, là, ouais. Il y a du vrai français. Non, mais c'est comme si c'était shit ou beu. Eh ben, bah, tiens, merde, là, putain, mais qui c'est qui a donné les questions avant que... On l'a écrit, non, bah, on l'a écrit. Ça, c'est pas la peine, les gars. Shit ou beu, on l'a écrit. Ah ouais, bah non, mais moi, j'arrête. Ouais. Tu fais chier, Mike, c'était la prochaine, quoi. Eh ben, vas-y, réponds maintenant. Attention, ceci dit, la Big Antenne n'encourage certainement pas, elle ne fait pas l'apologie de substances ou intrinsèques. Non, mais boire avec modération aussi. Avec modération, évidemment. Modération, toujours. Plutôt shit. Non, mais moi, je suis drogue légale. D'accord. Le Xanax. Ouais, ou la perle. La moi, du bon shit de sa mère. Bon shit de sa mère à ma droite. Non, de l'herbe. De l'herbe à ma droite. Ouais. Ça, c'est des questions importantes et existentielles. De l'herbe locale, de soulever, effectivement. Ouais, du chorizo. Le chorizo. Plutôt saucisson ou chorizo alors? Ouais, saucisson direct. Saucisson. Ouais, saucisson. Avec du comté. Est-ce que vous êtes joueur plutôt Xbox ou PlayStation? Non, Xbox. PlayStation. Ouais, Xbox. Super Nintendo. Xbox, Super Nintendo. toi, t'as peut-être le syndrome Peter Pan, alors, hein, dans ce cas-là. Peter Punk. Peter Punk, voilà. J'ai un Peter Punk, moi, ma gueule. Là, attends, on va se recentrer un peu plus sur la question. On va parler rap, on va parler octogone. Plutôt Caris ou Booba? Oh, aucun des deux. Non, c'est une question, tu réponds à la question. Bah, Caris, à la limite, plutôt que Booba. Booba, lance. Non, Booba, moi je dirais Booba. Lunatique pour Booba. C'est là que t'as un choc. Là, on parle du capitalisme, là, on parle du côté. On parle du business. On parle pas de la musique, on parle du business. Et pour Lunatique, Booba, il est fort. Ah, Lunatique quand même. Ouais, Booba. Il est fort, hein. Même s'il y a des jambes de coq, Lunatique quand même. Ouais, mais je le trouve pathétique quand même. Bah, maintenant, pas terrible, c' pas terrible. Eh, mais c'est bon, on va 5 minutes, Booba, Booba, Caris. Booba, Caris. On est en mode fight, bon. Non, et alors, Octogone, oui. On parlait d'Octogone, et alors, plus sérieusement, du coup, Drex ou Smoka? Drex. Old school. Smoka. Moi, je dirais Smoka. Smoka quand même, parce que c'est... C'est un pilier, c'est un pilier. Bien sûr. Ça, c'est des questions qui foutent la merde. Grave. Ça, c'est des questions qui foutent la merde. C'est une sacrée pierre à l'édifice. T'es un sacré connard. C'est la Big Antenne. C'est la Big Antenne. Tu vois, on manque quand même de jingle, c'est quand même le problème. Tu vois, là-dessus, il y en a un pour l'instant. Ouais, tu vas te mettre au charbon. Tu vas te mettre au charbon. Tu peux le mettre quand tu veux. Plutôt Jams ou Vita? Non, bah Jams. Jams quand même, tout le monde est en d'accord. En plus, Vita a refusé qu'on fasse son avant-première quand on était des calcrous. Bah heureusement. Ça aurait fait de la mauvaise pub, gros. Du coup, moi, je suis obligé de ramasser les miettes après pour mon émission. Merci Vita, quoi, putain. Va te faire plus, Vita. Ouais, grave. Je pense que. plutôt Maître Gims ou Jules. Ah bah tiens, ça c'est une question. Maître Gims ou Jules. Maître Jules. Maître Gims parce qu'il a un épisode de non, non, section d'assaut au premier, Maître Gims, je pense. Non, vous êtes sérieux? Non, Maître Gims, désolé. Non, il y a quand même plus, il y a quand même du taf, il sait chanter, il y a quand même Jules. Il sait rapper, c'est très bien rapper. Non, mais c'est très bien le faire. Après, il a choisi le business. Il a choisi le commercial. Il a choisi la droite, pas la gauche. Comme Doc Gynéco. Comme l'UMP. Ouais, Doc Gynéco, du coup, toi, il a été récupéré par TMP pour faire sa petite. Ouais. Voilà ça. Bip, bip, ça pute, bip. Oui, c'est voilà. Bip. Pour résumer, ça sera bip, effectivement. Ça, ouais, ça sera coupé. Ok. Ça, genre, de toute façon, plutôt trap ou boom bap, trap musicalement. Ah, boom bap. Ouais, boom bap. Ouais. Ah voilà, bah là, il y a les. Bah oui, ma gueule, c'est une génération boom bap. Ouais. School, le trap, ça m'a pas parlé au départ. J'ai dit, c'est quoi ce truc bizarre d'extraterrestre au départ, tu vois. Et j'ai compris ce moment maintenant, tu vois. Ah ouais, mais maintenant je suis jaloux des rappeurs qui rappent sur le trap parce que je sais pas le faire. Ah, bah, genre, tu sais pas le faire, gros. Non, non, c'est parce que ça demande trop de thématiques. Ah, après, ouais. Ça, c'est vraiment mathématique. Il faut vraiment bien se placer. Alors que le rap, boom bap, boom bap, c'est énorme. Tu peux être crado du micro. Bap, c'est bien. Si t'écoutes bien, Drex non plus, c'est pas le faire. Hein. Ouais, ouais, bien sûr. Non, c'est pour toi, c'est pour toi. C'est qui aime bien, châtie bien. Qui aime bien, châtie bien. Ah, question existentielle, ketchup ou mayo? Mayo. Je suis pas sauce. Oh. Ah, tu réponds à la question, ils sont pénibles, hein. Ils sont pénibles. Hein, en fait. Ketchup plus que mayo. Fallait que tu répondes. Ah ouais, moutarde. Ouais, t'as le droit, moutarde. Ah non, mais pour Caris et Béarnais. Bon, ok, mayo, vas-y. Mayo. Ketchup, c'est sucré, c'est dégueulasse. Non, vaut mieux le ketchup. Moi, c'est dégueulasse. Non, c'est sucré. Non, non. Une bonne mayonnaise. On a déjà parlé Big V, hein, la mayo. La mayo, ouais, je sais que. Par contre, le tartare de Julie. Bah, mayo, oui. Mayo, voilà, mayo. Mayo, évidemment. Deux pièces. Deux pièces. Ah, le. non, c'est parce que. Ouais. On est en live, hein, on est en live, hein, donc c'est pour ça, forcément, il y a du. Bah, c'est son direct, filet, hein, c'est son filet, hein, donc forcément, ça a du mal à suivre, des fois, hein, ça fuse aussi. Hein, ça fuse aussi. Hein. Question existentialiste, on va parler un peu de votre intimité. Plutôt slip ou caleçon, les garçons? Ce n'est pas sale, votre corps chaud. Ah, je suis pas chiant, là. Caleçon. Caleçon. Ah, caleçon, ça colle moins. Caleçon, hein, personne ne porte de slip. Le slip, c'est la merde. Ouais, ça colle trop. Ouais, plutôt moustache ou barbe? Barbe. Ah, barbe is beautiful, comme chantait Medine. Barbe. Après, soit dit en passant, Georges Brassens, il est bien quand même, la moustache. Hein. Oui, Georges Brassens, Alfred Dreyfus aussi, barbe, c'est pas terrible. Hein. Alfred Dreyfus aussi. Ouais. Et allez, une dernière. Une dernière. Cartman, vous regardez South Park? Ouais, Cartman. Tout le monde regarde South Park. Oui, tout le monde regarde South Cartman Park. Cartman ou Kenny? Oh, Cartman. Ouais, direct. Après Kenny, c'est rigolo, mais quel salaud, ouais, Cartman, Kenny. Quel antisémite. Cartman, c'est encore, le meilleur. C'est le meilleur de tous. Ouais, pour résumer, ouais. Et Randy, ou une autre question, histoire de grincer les dents, on est en direct, hein, de toute façon, c'est trop tard pour couper au montage. Question Israël ou Palestine? Palestine. Excusez-moi, je l'ai dit. Ah ouais, non, non, Palestine. On n'a pas le droit, ça. Antisémite ou antisioniste? On me dit de fermer ma gueule. 450 appels en direct là. Non. En tout cas, si vous voulez réagir à toutes les conneries qu'on veut. Ouais, il y a personne qui veut. N'hésitez pas, il y a qu'un seul. Personne veut participer. Il y a personne qui appelle. En même temps, être associé, associer son nom à des propos différents. Là, il y a ton patron qui est en train de suer du front. Oui, je sens que ça va pas tarder à tomber, à mon avis. C'est la première et la dernière. Oui, donc profitez-en. Appelez, il y a que ce soir. D'ailleurs, vous avez quelque chose à gagner. 23h demain. Peut-être, on va peut-être essayer de négocier 23h05, mais ça paraît juste. Ah, ça dépend si Mickey est d'accord. Ça paraît juste. Ça paraît juste. Donc, qu'est-ce que je propose? Moi, je vous propose qu'on fasse avec une petite interlude musicale. Ouais, ça peut se faire. Interlude musicale. Moi, j'avais proposé, tiens, parce qu'en plus, il est là, notre ami le producteur, Grand-core, de mettre un truc ultra maxi méga lourd, un son de Machine Gun Kelly. Till I Die, attention, ça ride, c'est ultra quinri, c'est là pour déboîter des nuques. On va vous mettre un petit Machine Gun Kelly, et puis on va retourner un peu en France, parce que quand même, le rap c'est France, c'est quand même bon pour ce qu'on a, avec un petit featuring qu'on aime bien en ce moment, en tout cas moi personnellement que j'aime bien, un featuring de La Craps, Furac Barbarossa et X-Nizzy, avec un morceau qui s'appelle Dans la Marge, donc je sais pas, vous connaissez quand même La Craps et Furax, les anciens ils connaissent quand même La Craps, Furax, X-Nizzy, on connaît un peu moins, mais en tout cas un bon gros morceau qui passe bien et tout, avec une thématique intéressante. Voyez un peu, le morceau s'appelle Dans la Marge, voyez ce qu'on a laissé dans la marge. C'est parti, donc Machine Gun Kelly, Till I Die et La Craps, Furax Barbarossa, X-Nizzy, Dans la Marge, c'est parti. C'est le 107.0, c'est le son qu'il te faut. till I die, till I die. On the east side till I die, till I die, till I die. Bubbin' that bone thugs till I die, till I die. In the hood I'm good till I die, CLE till I die. Oh, everywhere I go I'm putting on, putting on, putting on. Everywhere I go I'm putting on. Putting on, putting on. Everywhere I go, I'm putting on. Putting on, putting on. Everywhere I go, I'm putting on. Putting on. Where you from? Straight out of the motherfucking crib, ho. All 128, me and Slim Dope. Yeah, bro, we must smoke them then, bro. Baby mama, holla how we supposed to live, bro. Fuck that, beat the game up quick, though. Everybody in the team meeting. Green bills, green leaves, it's the green season. Catch me only up in sharp season. Rippin' with the hot sauce like I'm street leaguin'. And one though, on the porch getting cut though. I'm first block with a blunt roll. Me and Dubbo, my city, my city. Then turned up for the jump though. Bitch, I'm from the land till I die, till I die, till I die. On the east side till I die, till I die, till I die. Bubbin' that bone though till I die, till I die. In the hood, I'm good till I die. Till I CLE till I die. Oh. Everywhere I go, I'm putting on. Putting on, putting on. Everywhere I go, I'm putting on. Putting on, putting on. Everywhere I go, I'm putting on. Putting on, putting on. Everywhere I go, I'm putting on. Putting on. Where you from? Y'all know. Y'all know, it's tatted up on all my squad, ho. I roll J's in a 12-inch raw paper. Every day I live life like Pablo. Y'all know, y'all know. I'm tatted like I don't need jobs, ho. Nobody's gonna stop me getting paper. Every day I feel like El Chapo. I was getting high in the sixth grade. Throwing hands in the hall on the first day. Scared of one of my hoes getting knocked up. Snatch a purse in the mall, getting locked up. Bitch, I need a paper, I need a paper. Dreaming of the penthouse on the elevator. The hood told me don't talk, just walk mine. Timbo's on the curb by the stop sign. Kells, where I go, I'm putting on. East side, west side, putting on, putting on. Cleveland for life, where I go, I'm putting on. East side, west side, putting on, putting on. Hey, uptown and down the way, uptown and down the way. EZ to the heights all day, EZ to the heights all day. Bitch, I'm from the land till I die, till I die, till I die. On the east side till I die, till I die, till I die. Bubba now bone thugs till I die, till I die. In the hood I'm good till I die, ESC till I die. T'es mal, t'es pas, non, finis pas en cabine. Toutes les rimes y passent. À la proche, fais un sourire kabyle sur son habile. Tel vinit pas. J'ai pas l'intention de vous blesser, mais je viens des endroits qu'on visite pas. Et j'avoue que j'ai envie de tout baiser. Une fois que la boucle la nise y part, un monde cruel où tout est dark. Où chacun veut sa part de housse. Dans les fins fonds d'un varmiteux, bien trop pété, ça parle rousse. Non, pas d'échec, j'ai pas mendié. J'ai jamais graille dans les déchets. Mon est parti d'en bas de l'échelle. T'as qu'à demander à barbe rousse. Comme beaucoup, je vis en autarcie. Je sais que c'est peut-être pas un atout charme. Mais fils, crois-moi, même au Marcy est bien loin d'être un atout charme. Dis-toi qu'y a pas pire qu'un mouchard. Peut-être que tes gars que les embrouilles se mènent en troupe, que les épreuves s'affrontent seules. L'amour on court après, on cherche un être aimant et lucide. J'ai pas vraiment tout raté, mais j'ai rien vraiment réussi. J'ai cru pouvoir me révolter, on devient tous tarés. Sans la chance, je regarde le bout du revolver et la touche carrée dans la chambre. Regarde là c'est le trône, on nous a dit ce que vous ratez là c'est drôle. Qu'ils savaient ce qu'on a blessé dans la marche. Dédicace à ces gros qui nous ont dit ce que vous grattez là c'est trop. S'ils savaient ce qu'on a laissé dans la marche. Des rimes et quelques balles, des primes et quelques barres. Des races, la prod brille, des cris desquels te parlent. Des rimes et deux trois sous, ils riment et le roi souffre. Plus m'a dit t'inquiète pas, le succès crime et te croit sourd. Je suis du côté sombre, porte la croix d'Anakin. Prendre le sang comme le son, c'est prendre la droite Anakin. Incandescent, des gommes, des sons, je raconte des hommes, des onze. Je suis l'anti-héros des ondes, tape pas les croisades acquis. Je crie les faits des poèmes, à l'écache du dessous. Tu me connais pas, je fais des poèmes, à l'étage du dessous. Trop de bêtes de foire en quête de voix comme de beaux paralyses. Te paralyse, t'empêche de me voir comme le pour Bali. Là c'est ok tu satures même là si dans les enceintes. Hélas, en quelle seras-tu mes larmes si j'en ai 105. Pourquoi c'est du noir que tu bois, pourquoi ta boîte arrive. Et toi t'arrives, crois-moi c'est une proie pour moi ta boîte à rythme. Si je les déteste t'entends la même facette si la voix tiède. Oui j'ai des textes dans la même passée si la moitié. On jouera sur les détonateurs, on gardera la cible en joue sur les détonateurs. Regarde là c'est le trône, on nous a dit ce que vous ratez là c'est drôle. Qu'ils savaient ce qu'on a blessé dans la marche. Dédicace à ces gros qui nous ont dit ce que vous grattez là c'est trop. Mais s'ils savaient ce qu'on a laissé dans la marche. Dérimez quelque part, déprimez quelque part. Terrasse la prod, brille des cris des quelques part. Dérimez deux trois sous, il rime et le roi souffre. Puis m'a dit t'inquiète pas, le succès crime et te croit sourd. C'est le péché qui me regarde létalement. Suis-je en liberté si le berger qui me garde étalement. Et si ma musique te ressuscite en droit crie au déchet. Je suis une plume de réussite en 3 kilos d'échec. Vous m'avez crié l'instru règne, y'en a qu'une dans ces Dracula. Je la viderai sans lacune, vous crierez dans mes tentacules dans ces Dracula. J'ai ni besoin de Kai ni d'Alidé, vie ne perd pas l'idée. J'ai eu ni besoin de Sky ni vanité, ni de me faire valider. Être connu par des focus, ça paiera pas mes factures. Je sais que fumer c'est soigner ces hématomes par des fractures. Et je vois que les hommes déforment les foies, fais gaffe quand les adultes parlent. Malgré tous mes efforts, des fois je me dis que ça mènera nulle part. Tu peux en rire, mais je suis là au micro à chanter mes peurs. Je craque en rythme, le rap en rime arrive à changer mes pleurs. C'est dur, pas vrai, mais s'ils savaient ce qu'on a laissé dans la marche. Leur coach, je suis venu bravé, navré, je suis un pavé dans la marche. Regarde là, c'est le trône, on nous a dit ce que vous ratez là, c'est drôle. Qu'ils savaient ce qu'on a blessé dans la marche. Dédicace à ces gros qui nous ont dit ce que vous ratez là, c'est trop. Mais s'ils savaient ce qu'on a laissé dans la marche. Dérimez quelques balles, déprimez quelques bars. Terrasse la prod, brille des cris des quelques bars. Dérimé de trois sous, il rime et le roi souffre. Puis m'a dit t'inquiète pas, le succès crime et te croit sourd. Oh oh oh oh oh, vous êtes toujours en direct, vous êtes toujours avec nous, vous êtes toujours. La Big Antenne. Et vous êtes toujours en direct sur la Big Antenne, vous êtes toujours sur le 107.0, c'est le canal qu'il te faut, le canal qui est là pour casser des nuques. On vient d'écouter à l'instant donc un morceau de notre ami Machine Gun Kelly, grosse prod US qui déboîte bien comme il faut. Et on vous a laissé juste après avec donc La Craps, Furax, Barbarossa et Xnizy sur le morceau Dans la Marge. Dans la marge, avec tout ce qu'on a laissé dans la marge, effectivement, on retrouve notre équipe de Super Saiyan. Rebonsoir, de la première, prêt la Big Antenne. Découdre. La Big Antenne. La Big Antenne. Antenne. La Big Antenne. La Big Antenne. La Big Antenne. La clientèle, la clientèle, la clientèle. La clientèle. Chrysanthème. Donc, et voilà, il y a des chrysanthèmes, il y a de la clientèle. Non, il y a pas de chrysanthème. Il y a du chorizo. Il y a de l'émental. C'est l'ambiance qu'il te faut, c'est bien ça. C'est bien vos chiens. On est là en famille, ça se passe bien, tranquillement. Il y a des chips. Il y a des chips, il y a à boire et à manger, donc n'hésitez pas. Appelez en tout cas si vous voulez réagir directement à l'émission. 03 29 62 44 44. Et vous pouvez tenter de gagner effectivement un pack de un CD. Donc n'hésitez pas à appeler. En tout cas, vous serez les bienvenus sur notre antenne. Comment ça se passe les tontons de l'autre côté de la vitre là? On se croit un peu dans Usual Suspect. Bah écoute, on se sent comme alors, à la maison. Vous sentez comme bien. À la maison, bah ça c'est bon signe alors, ça c'est que ça se passe bien. Je sais pas, est-ce que ça vous dirait pas de lâcher un petit bien freestyle sûr. De lâcher un avant que tu le dises, moi je dis oui. Eh bah écoute, on va faire on comme ça alors. Est-ce que monsieur Nico Nited il a un petit truc là qui sortirait de sa malle magique un peu peut-être? Qu'est-ce qu'il peut nous proposer? Oh bah si c'est pour ça alors pourquoi pas hein. C'est aussi rapide. Mange des chips. Mettre ça un peu plus fort mon grand. Yeah. Ha, phénoménal style. Quoi dire. Y'a pas mon nom sur ta liste, mais j'ai ma place dans les classiques. Je me la pète, mon temps proclame, c'est mon cas à de fantastique. J'ai pas d'actu, comprendre ceux qui vivent les instants magiques. Mon métier vibrationniste, bouge la tête et kiffe la zig. J'ai chopé du gratte, son bras, et la qualité mémorale d'un spi. Je grave mais validé, MC, fat comme mon arche bâti. Ressasse le même tas d'idées depuis deux décennies. Baratiner, c'était pas pour moi, j'achète ma sable dans un tati. J'rappe comme j'exécute un rythme contre toutes les buts. J'suis un bulldozer buté, j'boule tout pour atteindre mon but. Et même si j'ai tant de racines, MC, reste assis. J'ai les racines massives, je ne suis pas de ta galaxie. Nana, je ne suis pas de ta galaxie. Nana, tes trèfles n'est pas de ta galaxie. Nana, MC Connexion n'est pas de ta galaxie. Ouais, ouais. C'est l'année de l'apocalypse, alors mets des capotes. Ramène la cocaïne et puis arrête de crapote. Foutu pour foutu, autant profite et la sortons à poil. Je me désingue la raison à coup de complot au plus profond de la toile. Ouais. Humain, parfois je t'adore mais souvent tu me débecques loin. L'époque où gamin je pensais qu'à gober des becs. Si j'étais un peu plus couillu et malin je braquerais des banques. T'as besoin d'un bac mais tu préfères bec. Je te comprends, ce monde de pute est oppressant. Chacun sa manière de descendre, un peu la teneur en stress. Y'a ceux qui fument, ceux qui courent, ceux qui bouffent, ceux qui fuguent ou s'enferment. Ceux qui noivent et qui noient le miroir et s'oublient dans des paires de fesses. Au fond, j'en veux à personne sauf aux très très cons. Et ceux qui par exemple sortent leur tub sans permission. J'ai une claire mission, ouvrir mes yeux, ouvrir les autres, écrire de vrais dictons. C'est à Big Villa, je crois. On n'est pas de ta galaxie, non. On n'est pas de ta galaxie, non. On n'est pas de ta galaxie, non. On n'est pas. Yala. Y'a un peu de gazga, rasgaz, la casse-va, des nas qui gazga, ça me place, ça, cette merde comme ça, son rap en casse, des rap total. Son cas à gagner par café, ses amis de game, on y'a ma gueule. 107.0, ouais, ma gueule, c'est comme ça que ça se passe, hein. Y'a, j'ai rien qu'en train de me filmer, en tout péter, rien à foutre, putain, ma gueule, putain, je suis en train de tout casser. Y'a man, c'est comme ça que ça se passe, oh my god. Improvisation, Michael, la BI, pour vous servir, j'suis pas de ta galaxie. Pas de ta galaxie, ouais, non. J'suis pas de ta galaxie. J'suis pas de ta galaxie. Oui, oui, sur ton tapis je nage. J'suis déjà démonté malgré mon jeune âge. Viens près de moi, je te crépite de bave. Je te l'accorde, je mérite de bave. De fil voir de taf, ouais. J'ressens le sapin, tu sais d'où ça vient, ça m'essouffle pas bien. J'ai soif, faut que j'aille carotte une bière au col rude. Juste une, au moins cent une, j'peux pas dire que j'me la colle dure. Faut que j'arrête de me comporter comme un schlag. Trop de barrières devant ma gueule, c'est pour ça que j'lag. J'ai rien d'autre à foutre à 2h du matin que d'écrire cette dos. Désolé pro, c'est la prod, elle stop, mais les mots ne m'atteignent que 10 secondes. Wow, wow, l'instrumental à la rage, plus fort qu'un à mettre cette job. Ouais, c'est fini ou quoi? C'est le beatmaker qui style. C'est chaud, chaud, chaud, chaud, chaud, chaud, chaud, chaud, chaud. Merde. C'est bou bou bou bou bou bou. Big V t'attaque ou quoi? Un petit truc. Ah, je sais pas parce que là je suis à la radio donc je sais pas. Nous aussi. Il y a beaucoup de sujets. Ah, j'attends bien. Il y a beaucoup de sujets qu'il vaut mieux ne pas traiter. C'est un pique-nique. C'est un pique-nique. Il y a des chemises, des montages. Attends, j'entends rien là du tout. Rien de gros bien, mais bon. Il y a beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de sujets qu'il vaut mieux ne pas traiter. Soit ce n'est pas vendeur, soit les gens en ont assez. Entendre Jeanne en permanence, Guillaume Canet ses souffrances. Mais donc Canet ses douces. Le cinéma parisien n'aura jamais mon soutien. Soit ce n'est pas vendeur, soit les gens en ont assez. Entendre Jeanne en permanence, Guillaume Canet ses souffrances. Mais donc Canet ses douces. Le cinéma parisien n'aura jamais mon soutien. Rien qu'un ramassis bobo qui se crache dans la main. Par pitié, là c'en est trop, qu'on censure ses fils de rien. Ouais, ça sent l'hémoglobine, l'horreur face à toutes des primes. Michael Myers sans vitrine. Que ma plume soit trempée dans le sang ou langue de chine. J'ouvre le nez, chronomicon, je deviens bref comme Bruce Campbell. Tronçonneuse en main, les petits détails, je fignole. Si ma prose est incendiaire, sur ce thème je m'immole. Arrière goût battle royale, viens pour enfoncer le clou. Avec le marteau d'Olboy, une colère anecdotique, je me tempère coller le boy. Sur les hauts cœurs du forêt, j'écris mes têtes pour les trolls. Jusqu'aux mains, les ombres picolent. Cette nuit, c'est puissant, des globules partent hémorragie, saignement. Les petits copes sont dehors, qu'on enferme sur les enfants. Le copain et les réveils, l'on entend. De sombres mots qui leur suture à l'oreille. Méfie-toi, petit marmot. Dans les doux bras de Morphée, il est dangereux de se confier. Si l'horreur est cathartique, la malfaisance de mes mots se promène sans sur un truc. C'est dans les grilles de la nuit. Je tapisse les meilleures rimes, je les maquille, je les grime. Il reste seul sur la banquise. La fin absolue du monde est un non-intrus de drame. Nous serons les nouveaux juges à vos barres aux mortifères. On rêve tous d'une nuit de purge comme American Nightmare. Dans un mal trône de sang, dans un tourbillon de glaire. Le constat est alarmant. Ma bronze refuse de cimetière. Je dégrince seul. Et uniquement vous choquer et vous déplaire. Que nous rush les puissons finissent enfin en lumière. Que nous rush les puissons finissent enfin en lumière. Ah. Ok, tu nous laisses dans un trou en fait. Ah, je vous laisse en plein milieu dans la merde, les gars. Le gars, il a monomérisé le mic. Attends, on va changer la prod. Vas-y, on en avait gros à dire, pardon, les gars. Vas-y, nique ni tête. On va changer ça. Il a envie d'être spécial, t'as vu. Oh, mais non, mais Drex, qu'est-ce qui se passe? Pleure pas. Merde. Ah non, merde. Ok, bah. Ok. Je crois que. Faut pas le choix. Ouais, là, je crois que j'ai pas le choix. Vas-y, s'il te plaît, fais ton clown. Ah, Big V arrive. Ok, fais ton clown, fais ton clown. Yeah, Rex, j'arrive comme un nuage, couvant truc repartant tranquillement. Rien ne passe dans les mailles de mon mental, jamais je me sens vivant. J'aurai jamais de prévôt, occupe-toi de ta vulve, tu pulses, somme ça pulse, je veux plus de ce truc. T'as intérêt d'avoir faim dans tes oreilles, on braille. Miyagi, le maître Shaolin, de trois versets font que t'es die. Funky dans le flow, gentiment bureau. On prie sans le god, j'ai grandi sans ce port, j'ai grandi dans ce corps pour m'en séparer, mal séparé. Paf, tu sidam, j'ai feinté la toux, c'est pas des glaires que j'ai éjecté. J'ai jarté hors de mon véhicule, j'ai pas jacté dans le vestibule. Tout est parti en testicule, je répète. Tout est parti en testicule, Smoka. Tout est parti en testicule, Big V. Ouais, ouais, ouais, tout ouais, est parti en testicule, merde. Plongé dans des pensées stériles sur plomb l'horizon. Approchant pour l'évasion, j'ai l'âme d'un être puéril. Mais je suis la contentine qui voit trop. Vous trouvez plus déconnecté. Le pauvre va valoir que t'en redouble. Je rappe les enfants sur la gueule d'un croque-mitaine. T'es que braqué et tentant pour un mouton débrouiller ta laine. C'est parce que la vérité plus que j'ai de mauvaise haleine. Elle est tendancieuse que le concept d'adoption à la Woody Allen. Je suis un sentant qui s'assentant pour l'avenir de nos gosses. Vas-y, descendons ensemble dans l'antre de la matrice. Je peux pas être condescendant. Parfois atroce pour la boule en vente. J'ai un penchant pour détailler la matrice. Si la tienne est blanche, laisse-moi y mettre la couleur, la réflexion. Ectoplasmique a tendance à faire horreur. Trop de circoncis du cerveau dans ce stupéfait. Des fois je débranche, m'en branle à la stupéfibre. Je disparais, ne m'en voulais pas. C'est que j'ai fait un choix, franchi le pas. Le cœur n'a pas sa place dans cette voie. Avec le reste que je vous dois, me sens pas grand fou. Pas sur ma intérêt pour la pensée unique. Je suis caché, il doit être. Parfois je me crois sorti des enfers. Je me dis, oh putain, j'ai un cœur en fait, c'est super. Sauf que non, ce matin je me réveille à peine que le boss me tombe. Je baisse mon tas, c'est pas assez. Faut que j'appelle mon lurdi, bloqué sur mon ordi. FL Studio, homicide sur le sub. Je suis d'humeur sombre et malsaine. Je tue le dubstep, vion, vion, point. Henri, il me fait craquer mon CPU. C'est très dur, bon, balance un peu de boom bap pour les vrais les crus. Je vous lèverai les culs. Mon équipe est pure tous les jours. On gratte un petit peu plus des trucs inspirés des vécus. Wow, t'as entendu? Merde. T'as entendu? Forget the lyrics. Boum boum bata, la vibe est authentique. Zoom zoom mat, la force, la gymnastique. Groove groove classe, move move classique. Bouge bouge la tête, facile et la pratique. Boum boum bata, la vibe est authentique. Zoom zoom mat, la force, la gymnastique. Groove groove classe, move move classique. Bouge bouge la tête. Facile la pratique. Ouais. T'as compris, Big V? J'ai compris. Facile la pratique. Encore le temps, peut-être. T'es bouche bée ou quoi? Avec moi, ça se passe comme ça. Bah, ok. Écoute, pour la prochaine, on se recapte. Ça fait. Ah, tu nous as coupé l'herbe sous le pied comme ça. Ah, écoute, en fait, on a cherché à trouver DJ qui des bâtons dans les roues. Ah, il nous met des bâtons dans les roues. Je dois prendre l'altitude, j'ai besoin d'élévation. Faut que j'apprends en toute quiétude, les plus villes de mes démons. Toutes les villes ont sale semblable, la froideur, le monument. Que mes pieds se charrient tape, qui me tiennent en mouvement. Tout se repède dessous table, et glisse pas sous les parements. Un genou va à l'hôtel, nous sommes seuls en dénouement. On rêve tous de septième ciel, d'un abat-ciel envoûtant. Nous promettent mon émerveil, mais l'on reste indigent. Il y a des ruines et des ruines, tout souillé de traces d'urine. Semblerait que les rues riment de leur pote en chargée d'âme. Impression qu'on pisse en temps, le doux chant du macadam. Persistant retour de flamme, car ce stress comme un brame. Les poètes furent antiques, les astètes grains des cantiques. Tous au cœur d'un hémistique, tous acteurs ont un tragique. Horizon d'un gladiateur, horizon pâle de labeur. On vous livre des apocryphes, un déchiffrable hiéroglyphe. Vous choquez comme seul poncif, c'est notre unique leitmotiv. Je suis bloqué dans la matrice, ça se présente sous mon auspice. Pour remplir toutes ces pages vides, pour le sens du sacrifice, j'ai jeté mon dévot. Sur des mots que je m'ai accru, vu que moi j'ai pas d'instru, j'alambique des mots crus, sur ma feuille je vis reclus. Oh. Smoka, tu dis quoi? Ah ouais, là-dessus? Bah non, mais bien sûr. Autre chose, autre chose, autre chose, autre chose. Non, mais je sais pas c'est quoi sa sélection à lui allez, en fait. Allez, c'est... J'arrête pas de faire de la merde. C'est des sélecteurs. Ah, tu sais, là, mais c'est. Oui, petite là, je sais pas, il cherche tout à nous mettre en porte-à-faux. Ah, porte-à-faux, peut-être. Tu vois? Je n'ai plus envie de vivre une vie sans vie, autant mourir de rire. C'est rien n'a de sens. Pourquoi s'affirmer et subir? C'est rien n'a de sens. Pourquoi donnerais-je essence à l'innocence? C'est rien n'a de sens. C'est rien n'a de sens. C'est rien n'a de sens. C'est comme ça un texte que j'ai fait tout à l'heure pour que tu vois bien en fait comment on se fait. Moi j'ai la foi, mais n'y crois plus de paradoxe à croire. Mais comme des promesses suspendues, n'est-ce rien de sacré. Aucun malentendu, j'ai tendu l'ouïe. plus de touche possible, la populace est possédée, trop stressée et pressée. Pour ça que j'enfile mon masque, oublions pas qu'on a tous en nous le gène du fracassé. Agacé, Mike a dit on a assez, bien cassé, Jacques l'emmerde, vite mon sac me casse, j'ai du temps à perdre, j'ai des envies de m'enterrer parfois, de moins en moins tenter d'essayer de trouver la joie. One to one to, la boucle est bouclée, c'est sans rappel, je suis prêt à recommencer. Et la mort veut de moi. Si rien n'a de sens, si rien n'a de sens, si rien n'a de sens. Lourd. Je n'ai plus envie de vivre une vie sans vie, autant mourir de rire. Si rien n'a de sens, pourquoi servir et subir? Si rien n'a de sens, pourquoi donnerais-je naissance à l'innocence? Si rien n'a de sens. J'ai trop de mal à faire semblant, je reste courtois, mais le manimal en moi me suggère des mots cinglants. Depuis tant que j'entends parler d'un cinglinglin, chaque année je l'attends, je suis prêt à patienter encore 100 ans. 100 ans est un parcours de combattant, autant se pendre, le taux de réussite est bien plus important. Monde de fous, monde de barges qui ne manque pas de cruauté, t'es au cœur d'un passage qui demande d'être incapable pour passer. Nous sommes tous confrontés à nos démons, des portes se poussent, la plupart mais nos néants. Tous détruits d'un destin radieux, les dés sont pipés, tous concernés, bouffés par les géants, par les géants. Tous concernés, très peu sont consternés. Tous crachent ta rage, beaucoup te condamneront. L'illusion est si palpable que la plupart la défendront. Bété honte, bété d'homme, à suivre les traces de son bourreau. C'est donc bien que rien n'a de sens. C'est donc bien que rien n'a de sens. C'est donc bien que rien n'a de sens. Rien n'a de sens. Je n'ai plus envie de vivre une vie sans vie, autant mourir de rire. Si rien n'a de sens, pourquoi servir et subir? Si rien n'a de sens, pourquoi donnerais-je sens à l'innocence? Si rien n'a de sens. Je n'ai plus envie de vivre une vie sans vie, autant mourir de rire. Si rien n'a de sens. Hey, calme-toi, calme-toi, si rien n'a de sens. Si rien n'a de sens. Si rien n'a de sens. What? Tiens, rien n'a de sens, mon gars, rien n'a de sens. Si rien n'a de sens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Rien n'a de sens. La corde de pendu. C'est la big antenne ou quoi? Rien n'a de sens. Qu'est-ce que t'as à dire avec ça, Drex? Qu'est-ce que t'as à nous dire? Bah. Alors, vas-y, on a encore fait un peu croquer les petits frères encore, ils en veulent, ils en veulent. Fais-nous pleurer, ma gueule. Ah, pull up un peu ou t'es pull up? Oh, ça pull up ou quoi, ça fait on a quoi, un souci technique indépendant de notre volonté. De notre volonté. Big antenne. La big antenne. Il reste encore 5 petites minutes avant de se quitter, les petits lapins, parce que malheureusement les choses étant ce qu'elles sont et non pas telles que nous nous eussions voulu qu'elles ne le fussent. Bien évidemment, vous réviserez vos concordances des temps pour la prochaine émission, pour le mois prochain. Vous verrez que ça se dit, c'est totalement correct et totalement français. Bien évidemment. En tout cas, voilà, c'était avec un plaisir non dissimulé qu'on a pris plaisir à partager cette émission tous ensemble. On espère que vous reviendrez et que vous serez toujours plus nombreux et nombreuses, aussi bien du côté de ce côté du diffuseur radio que de l'autre côté, à nous suivre et à venir interagir avec nous. Vous serez les bienvenus. Vous pouvez appeler bande de bâtards 03 29 62 40 40. On redit le numéro, on n'a pas trop bien entendu. 03 29 62 40 40, bande de bâtards. C'est le même depuis 30 ans, quoi, ouais, merde, quoi. Putain, mais grave. Tout déconner. Le monde parle en même temps à chaque fois qu'il le dit, du coup. Ouais, non, 40-40. Ah non, compliqué. Mais il y a des goodies à gagner, en plus. On va passer un petit coup de dédicace, quand même. Drex, t'as des petites dédicaces à faire, peut-être? Allez, vas-y, profite-en. Angèle, Damax, lui, c'est Mitch, un con, non, Mitch, il est déjà... Voilà, c'est les deux seuls, je crois. Ouais, Damax et Angèle, ça va, c'est pas mal. Voilà, les deux bons. Jérém, il a qu'à... À Notre-Dame de Paris... ça, sera coupé, ça sera coupé au montage. À la mosquée de Jérusalem qui a brûlé en même temps que personne ne parle. À Picache-Remiremont de surcroît. Pas de placement de produit, on est... Ah merde, désolé. À la Bretagne, à la Vougie, au Val-d'Ajol, et puis à tous ceux qui nous écoutent. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est assez complet. Ted, t'as des petites dédicaces à passer, Ted? Il y aurait trop de monde. À Luxeuil. Mais ouais, moi. Je vais dédicacer juste à toi. Ouais. Voilà. Il y aurait tellement de monde, non. Big V. Non, Big V. Dédicace à toi, ma gueule, pour ta première émission depuis un petit moment. Bah, et merci pour ton invitation. Donc, ça fait plaisir. Vous serez toujours les bienvenus. Les non-fumeurs en plus. Les autres, ils savent que je pense à eux. C'est bon. On vous dira où on laisse les clés, vous serez les bienvenus. Non, mais en tout cas, c'était agréable. Ted, un petit caillou. À tout mon groupe, Infréquençable. À tout le monde, voilà, quoi. À tous les gens que je connais. Et puis, à la Vosgie montagneuse. À la Vosgie montagneuse. Au bordel qu'il y a faire cet été encore. Et la crème d'Albert, etc. Tout à fait. À la famille. Surtout la crème d'Albert. La crème d'Albert, ça vaut le coup. Et aux Vosges, oui, bien sûr. Moi, je dédicace ton daron, tiens. Enfin, je dédicace ta famille. Jean-Jacques, oui, bien sûr. Grosse dédicace à R2M, ma gueule. R2M, vieille radio. Écoute, Jean-Jacques, monsieur le maire. De ton père, gros big up à toi, monsieur le maire. grosse dédicace au daron, à moi, au petit frangin qui m'écoute aussi. Ouais. Normal, la famille, t'as vu quand même. Aïe, aïe, aïe. Grosse dédicace à Julie, qui nous a fait le plaisir d'être là ce soir. Dédicace à tous ceux qui écoutent et qui tous ceux qui soutiennent. Lundi. Et dédicace en tout cas ceux qui continueront à soutenir le projet. Vous êtes là, c'est votre émission aussi, c'est la Big Antenne, c'est l'émission un peu de tout le monde. Donc c'est le 107.0, c'est peut-être la personne la plus de faux. On se retrouve dans un mois, les petits fragiles. Pendant que vous dites des conneries, on se retrouve dans un mois, les petits fragiles. On refait ça proprement, en famille, dans la joie et la bonne humeur. Et ça devrait bien se passer. N'oubliez pas de nous retrouver en direct sur Facebook, le fond du quoi ? Sur le fond du crew. Le fond du quoi ? Sur les réseaux sociaux. Vous pouvez suivre. C'est la Big Antenne. Jingle. En tout cas, vous pouvez nous suivre. À très bientôt le mois prochain, bande de fragiles. Check. Merci. La big antenne.